نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد فمرحبا بكم مرة أخرى معنا في هذه القاعة المباركة بإذن الله سبحانه عز وجل، سائلا الله عز وجل أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يهدينا وأن يثبتنا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يعيننا على القيام بالواجب على أكمل وجه إن شاء الله. فهل فيه صوت إن شاء الله حتى نبدأ؟ هل فيه صوت إن شاء الله تعالى؟ نعم، جزاكم الله خيرا. Hier, on s'était arrêté, si je ne me trompe pas bien, pardon, je vais voir le hadith où on s'est arrêté. Naam. On s'est arrêté, inshallah ta'ala, dans le hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam avait dit « Iadilu bayna awladikum fin nihad » « Soyez juste envers vos enfants » en ce qui concerne les dons. Ce qui concerne les dons. Yani quand on donne quelqu'un à un enfant quelque chose, il ne faut pas qu'on prive le deuxième. Il ne faut pas qu'on prive le deuxième. On ne donne pas à quelqu'un quelque chose et on prive le deuxième. C'est-à-dire, si on donne, on doit être égaux. On doit être égaux. D'abord, avant cela, il y avait le hadith. Je voudrais revenir d'abord sur le hadith où on parlait de i'tadilu fi sujud la yabsut ahadukum dira'ayn bisat al-kilb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans la salat que comment, quand on fait la prosternation, comment qu'elle doit être, yani comme Allah Azza wa Jalla veut. Et on a parlé de la prosternation des paresseux, de ceux qui, assis, quand ils vont se prosterner, ils ne vont pas aller un peu à l'avant. Seulement, tout en restant assis, ils posent ses deux mains à droite et à gauche de ses genoux, et ils se prosternent juste devant ses genoux. S'ils pouvaient même, il aurait fait rentrer sa tête entre les genoux. Et des fois, au point haut, pourquoi je vous dis comme ça? Parce que j'en vois des types. J'en vois des types, des sortes comme cela dans la mosquée. Et puis, des fois, il laisse même les deux avant-bras. Les deux avant-bras collés sur les genoux. Et il pose seulement sa tête comme ça, en faisant très vite. Et cette sejda, bien sûr, c'est pas la sejda que Allah Azza wa Jalla veut. La sejda, tu dois aller vers l'avant, tu dois bien écarter, mettre tes deux mains parallèles aux oreilles et les écarter et lever les avant-bras de façon à ce que s'il y a un chat ou là qui veut passer entre les avant-bras, il peut passer. Il rentre de ce côté et il sort de l'autre côté. C'est pour ça que les sahaba radiallahu ta'ala anhum, ils disaient quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterner, on voyait quoi? On voyait ses aisselles blanches. Donc, vous voyez ses aisselles blanches, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, il disait, il nous faisait de la peine. Il nous faisait de la peine, sallallahu alayhi wa sallam, tellement quand il fait la sijda, la prosternation, tellement quand il l'a fait, yani, il l'a fait yani, avec sincérité, avec. Yani, il essaie de la faire le plus. Afin qu'elle soit la plus parfaite, parce que n'oublie pas que quand tu fais la sijda, tu la fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il y a un hadith qui dit chaque fois que tu fais une prosternation, bien sûr la vraie prosternation, pas celle des paresseux, à chaque fois que tu fais une prosternation pour Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla te fait monter manzila, te fait monter yani un degré plus. À chaque fois qu'il y a prosternation, à chaque fois que tu montes un degré plus. Et j'avais dit hier, j'avais donné la règle. Si tu veux te régler, tu veux te régler dans la prosternation, tu veux te régler, avant de dire Allahu Akbar, laisse trois pas entre toi et la sutra, trois pas. Pas trois pas, un mètre et demi. Ça peut être trois pas, je ne sais pas combien il fait le pas là. Un mètre et demi entre toi et la sutra. Laisse un mètre et demi quand tu es debout. Quand tu t'inclines, ensuite tu dis Sami Allah liman hamida, tu te relèves, il y a un mètre et demi toujours entre toi et la sutra. La chose que tu as mise pour prier vers elle. Ensuite, quand tu te prosternes, tu ne laisses entre ta tête et la sutra que quoi? Que deux empans. Shibran. Deux empans. Alors là, quand tu es prosterné, c'est ça la vraie prosternation. Regarde, tu es loin par rapport où tu étais debout et tu es près de la sutra, il ne reste entre elle et toi que deux empans. Tu sens que vraiment tu t'es prosterné. Mais si tu te prosternes seulement là où tu t'assois, ça c'est pas une vraie prosternation. C'est pour ça qu'il a dit wala yabsut ahadukum dira'ih bisat al-kalb. Bisat al-kalb. Yani certains, malheureusement, quand ils font la sijda, au lieu de lever les avant-bras, ils les laissent coller sur le sol, coller. Ils font exactement comme le chien. Le prophète Al-Islam m'a dit ne fais pas comme le chien. Le chien, si vous remarquez quand il est assis, jamais il lève les pattes ou les avant-bras ou là. Jamais il les lève, toujours collé au sol. Donc pour ne pas ressembler au chien, on doit pas ressembler au coq, on doit pas ressembler au singe, tout cela. Dans tout cela, il y a des hadiths sahih qui vont venir. Donc pour faire la bonne prosternation, il faut faire comme je viens de dire maintenant et lever les avant-bras afin qu'ils ne touchent pas le sol. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit i'adilu bayna awladikum fi an-nihal kama tuhibbuna an ya'dilu baynakum fi al-birri wal-lutf. Il a dit si vous voulez que vos enfants vous aiment et yani soient yani bien avec vous travaillent ou là s'occupent de vous etc, il faut que vous ne fassiez pas la différence quand vous donnez, surtout quand vous donnez ne faites pas la différence, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez quelqu'un, c'est un hadith sahih rapporté par Cheikh Al-Albani. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez quelqu'un. Ensuite, ce quelqu'un était assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, quand un enfant est rentré. Un enfant, il y en a le fils de cet homme. Alors, quand il est rentré, pardon, c'est la fille de cet homme qui est rentrée, la fille. Qu'a fait cet homme? Il l'a prise comme ça, il l'a levée, il l'a embrassée sur la joue et il l'a posée. Ensuite, deux secondes plus tard, ou là, deux minutes, est rentré le fils de cet homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme l'a pris, il l'a embrassé par la droite et par la gauche, la joue droite et la joue gauche. Quant à la fille, il l'avait embrassée seulement sur une des deux joues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ma adelta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu n'as pas été juste envers les deux. Non, tu n'as pas été juste envers les deux. Pourquoi celui-là, tu l'as embrassé deux fois, pourquoi celle-là seulement une fois? Pourquoi celle-là seulement une fois? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih en parlant des filles, car beaucoup de gens n'aiment pas qu'ils aient des filles. Beaucoup de gens, beaucoup d'ignorants et d'ignards, les djuhels, les ignorants et les ignards n'aiment pas qu'ils aient des filles. Ils croient que leur femme, c'est l'usine. La femme, tu vas à l'usine, tu commandes. Tu dis je veux ceci ou je veux cela. Et la femme, elle se donne ce que tu veux. Et il ne sait pas qu'il a été prouvé. Il a été prouvé de façon, il n'y a plus de doute. Que c'est l'homme, c'est chez lui que se trouve le sexe masculin et le sexe féminin. C'est chez lui. Normalement, chaque fois qu'il a des filles, s'il ne veut pas des filles, la femme lui fait des problèmes. Elle lui dit c'est toi. À cause de la source du malheur. C'est toi qui nous rapportes seulement des filles au lieu que ce soit le contraire. Elle dit bien sûr, si ça se disait. Mais bien sûr, vous savez que, soit qu'on est des filles, on est des garçons, on dit Alhamdulillah, parce qu'il y a des gens qui n'ont ni filles ni garçons. Ils n'ont rien. Il y a des couples qui n'ont rien, comme vous devez le savoir, ils n'ont eu rien. Mais c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui les aide. J'ai dit que car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant des filles, il a dit c'est hadith sahih rapporté par l'Albani, il a dit Hunna al-ghaliyat al-mu'nisat. En parlant des filles, il a dit elles sont les chères, al-ghaliyat. Al-mu'nisat, c'est un peu difficile en français, quand on est seul à la maison. Ensuite, on a quelqu'un qui est toujours avec nous, yu'annisuna. Des gens, certains ont des quoi? Certains ont des chiens à la maison pour le mu'anasa. Certains ont des animaux à la maison pour ne pas se sentir seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit des filles, ce sont les mu'anisat. Ce sont celles qui, quand on est seul, elles sont avec nous. Je vois rien dans la traduction. Personne ne m'a donné le mu'anisat. Accueillir, ce n'est pas accueillir Abu Muhammad. Ce n'est pas accueillir. Si Inch'Allah, ce n'est pas loin, mais ce n'est pas accueillir. C'est quelqu'un qui est toujours avec toi. C'est quelqu'un qui est toujours avec toi pour t'aider. C'est pour ça que les femmes, on dit trop aux hommes, elles donnent un X, tandis que les hommes ont le X et le Y. Si l'homme donne un X, il sera un peu, on est mieux sur un garçon. Voilà pour le côté scientifique. Jazakallahu khairan. La compagnie, jazakallahu khair. Naam, la compagnie, sah. Elle te tient compagnie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les filles, ce sont elles qui tiennent compagnie. Elles sont toujours à la maison, la plupart du temps, elles sont avec leur mère. Ensuite, il a dit, ce sont même des confidentes. Vous savez que la mère fait beaucoup de confidences avec les filles, pas avec les garçons. Ensuite, il a dit quoi? Elles ralliettent, les chères. Elles sont vraiment chères. Ça, pour montrer que et du hal des Arabes, ce qu'ils faisaient auparavant, quand ils enterraient leurs filles, ils les enterraient vivantes. Voilà, l'islam, il a dit ça. Premièrement, ce n'est pas la femme qui choisit, c'est pas elle qui a choisi le sexe, garçon ou bien féminin. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont les chairs, elles sont chères, elles sont pas comme chez vous, elles valent rien, vous les enterrez vivantes. Elles sont chères et elles tiennent compagnie à la mère. Donc le prophète alayhi salam a dit, i'dilu bayna awladikum fi an-nihal. Quand vous faites, vous donnez quelque chose, il faut que vous soyez égaux entre celui-là et celui-là, et celui-là et celle-là, celui-là et celle-là. Mais les ulama ont dit, qu'est-ce que ça veut dire égaux? Là, on va donner une idée, qu'est-ce que ça veut dire égaux? Égaux, ça veut pas dire que, par exemple, j'ai un enfant qui a 6 ans, j'ai un enfant qui a 25 ans. Ça ne veut pas dire que si je donne à celui qui a 25 ans, parce qu'il va se marier, par exemple, ou là, il va acheter quelque chose, ou là, pour les études, ou là, je dois lui donner, par exemple, chaque mois, je ne sais pas, 1000 euros, ou là, 2000, je ne sais pas combien, ça ne veut pas dire que je vais donner à celui de 5 ans, je vais lui donner chaque mois 1000 euros. C'est pas ça, car le prophète Aïssouflem a dit i'dilo. Il a dit i'dilo. Il n'a pas dit de, ça veut dire il faut donner exactement ce que tu donnes à celui-là, tu donnes à l'autre. Non, il a dit i'dilo. Et les ulama font la différence entre i'dilo et il y a un autre terme maintenant que j'ai oublié. Ou attendez une seconde, je réfléchis à ce terme. Là, je l'ai oublié. Le mohim, i'dilo, ça veut dire maintenant j'ai un garçon. Par exemple, il veut s'habiller, je lui achète les vêtements avec lesquels il va s'habiller. Supposons que ces vêtements coûtent 500 euros. Il faut être équitable. Non, il faut être équitable. C'est pas, il faut être égaux. Il n'a pas dit égaux. Tu donnes à celui-là, la même chose. Il a dit il faut être équitable. Comment être équitable? Par exemple, j'ai un enfant, il m'a demandé des vêtements, il n'a pas de vêtements. Je vais lui acheter des vêtements, par exemple, je lui achète par exemple une chemise ou un camis ou un pantalon. Là, par exemple, il me dit, par exemple, c'est 100 euros, par exemple, je lui ai acheté ça. Ensuite, la fille va me demander des vêtements. Qu'est-ce qu'il faut pour la fille? Par exemple, il faut cette chose, le foulard, le hijab. Ça fait combien? Ça donne, par exemple, 300 euros. Là, j'ai été équitable. J'ai été équitable, pourquoi? J'ai acheté au garçon ce qu'il voulait. Ça a coûté 100 euros, c'est pas de ma faute. J'ai acheté à la fille ce qu'elle voulait, ça a coûté 300. Je n'ai pas acheté, je n'ai pas donné de l'or à la fille, je n'ai pas donné au garçon. Non, alhamdoulilah, j'ai acheté la même chose, ça c'est pour le garçon. C'est ses habits, ils coûtent 100 pour la femme, ils coûtent 300 pour la fille. je n'ai pas été injuste, inshallah ta'ala. Mais ils disent les ulama, par exemple, si on a un enfant, par exemple, qui va à la faculté, celui-là, on doit lui donner, par exemple, l'argent pour qu'il aille à la faculté, etc. On ne va pas dire au petit de 5 ans, puisque j'ai donné à ton frère pour aller à la faculté, pour aller dans le bus, etc. Je vais te donner la même chose, et l'argent que je lui ai donné, je te le donne. Non, ça, ça se fait pas. Mais les ulama ont dit, si par exemple, il y a quelqu'un qui va à la faculté, et il y a d'autres, par exemple, qui n'y vont pas, et ils sont, par exemple, âgés. Ils sont presque comme celui qui va à la faculté, par exemple, presque du même âge. Alors, ils ont dit, tu veux, par exemple, acheter à celui qui va à la faculté, tu veux lui acheter une voiture pour qu'il aille à la fac au lieu d'aller dans le bus, etc. Ils ont dit, si tu lui achètes une voiture, si tu veux être équitable, et il faut que tu sois équitable, tu l'achètes pour qu'il aille à la fac, à ce garçon spécialement, mais tu ne la mets pas en son nom. C'est la voiture de la famille. La voiture, je l'achète au nom du père, ou là au nom de la mère, c'est la voiture de la famille. Comme ça, s'il se passe quelque chose, Yannick, il ne va pas la prendre lui-même, lui seul. Il va dire, je l'ai hérité, elle est en mon nom. Non, celle-là, Inch'Allah, tu vas à la faculté sur elle, mais quand les autres ont besoin d'elle et quand tes frères vont aussi aller à la fac, ils trouveront, Inch'Allah ta'ala, la voiture. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, il a dit, i'rif adadaha wa wi'a'aha wa wika'aha ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل في رواية فهي كسبيل مالك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous apprend quand on trouve quelque chose, qu'est-ce qu'on doit faire. On marche dans la rue, on a trouvé par exemple un sac, on l'ouvre, il est plein d'argent. On marche dans la rue, on a trouvé de l'or. On marche dans la rue, on a trouvé mouhim. On peut trouver beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, khlas, on prend le sac, on regarde à droite, à gauche, alhamdoulilah, personne ne m'a vu, et je me sauve à la maison, ou là, comment je fais? Là, je trouve une chaîne en or, je la mets dans ma poche, alhamdoulilah, c'est Allah qui me l'a donné, je cherche pas à aller qui est son propriétaire. C'est pas ça. Peut-être les takfiriens, peut-être ils font cela, ou les djuhel. En islam, tu as trouvé quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Le prophète, alayhi sallam, a dit, premièrement, cette chose-là, autrefois on trouvait par exemple, j'ai oublié comment ça s'appelle, Agda, je sais que vous allez me le donner Agda, comme traduction, je suis sûr, parce que même moi je le connais, j'ai oublié. Quand par exemple quelqu'un, on voit des photos, par exemple quelqu'un, il a par exemple ici un revolver, ici dans la main gauche quelque chose, il te dit, ou bien je te tue ou bien tu me donnes ça. Toujours on met dans sa main gauche quelque chose comme ça, qui a une ficelle, quelque chose comme ça. Comment ça s'appelle, Adik, la chose, Adik, si vous m'avez compris. Bon, moi, je l'ai trouvé. Je voulais dire la bourse, hein. Je dis la bourse ou la vie. Ah, c'est pas une menace. Non, c'est pas le, je voulais dire une menace, je voulais dire la chose. Des fois, hein, autrefois, ils trouvaient la bourse, ils trouvaient quelque chose comme ça, comme une serviette à l'intérieur de l'argent. Autrefois, il n'y avait pas la banque, etc. On mettait de l'argent dans une serviette, on l'attachait avec une ficelle. Autrefois, on trouvait des choses beaucoup, beaucoup de choses comme celle-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu trouves une chose, tu cherches bien, et tu essayes de voir la description de cette chose. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes, ta'rifha, tu dis aux gens, est-ce que quelqu'un n'a-t-il pas perdu? Je ne dis pas exactement la chose, hein. N'a-t-il pas perdu, par exemple, disons, une serviette, mais il donne pas la couleur, par exemple, avec de l'argent à l'intérieur. Il ne dit pas, non, mais il ne dit pas aussi sa valeur. Il ne dit pas sa valeur. Non, mais il ne donne ni sa valeur, ni il donne à peu près cette chose pour voir son propriétaire, s'il la connaît. Car son propriétaire, directement, il va dire oui, et je suis sûr, il y a telle valeur à l'intérieur. Donc, tu fais cela, combien? Une année. Une année, la chose est chez toi, et toi, de temps en temps, tu montres, tu la décris, de temps en temps, tu donnes sa description. Bien sûr, autrefois, sa description, tu vas devant la mosquée ou au marché, hein, tous se regroupent là-bas, ça marche vite, très vite, son propriétaire peut-être la connaît. Maintenant, c'est très difficile. la personne qui a fait tomber celle-là, peut-être elle ne va plus revenir à cet endroit. Peut-être elle habite à Bordeaux, elle habite à Cognac. Ensuite, elle a fait tomber autre chose, elle a fait tomber une chose très très loin à Paris. Ensuite, elle ne va plus aller à Paris. Donc, comment qu'on fait, comme dans nos, de nos jours, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Tu prends un peu d'argent de la chose qu'il y a. Ou bien tu en vends, si c'est de l'or ou là, tu en vends une petite partie. Et avec cet argent, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la publicité, ou là, si ça s'appelle la publicité, dans les journaux, par exemple. Il y a des journaux, par exemple, spécialement, on dit telle chose, on vend telle chose, etc. Là, tu poses, par exemple. Voilà, j'ai trouvé X de couleur rouge, tu donnes pas la valeur, téléphone, une annonce. Tu fais une annonce, numéro, etc. Si par exemple ça se fait à la télé, tu le fais à la télé si ça se fait. Pourquoi? Si c'est beaucoup d'argent, et puis quoi? Et puis, c'est pas avec son argent que tu vas faire. Ou bien dans les journaux. Ou bien c'est d'après quoi? D'après la chose que tu as trouvée. D'après la chose que tu as trouvé. Il est possible que tu aies trouvé une chose qui n'a pas de valeur. Par exemple, tu as trouvé 10 euros. C'est pas à cause de 10 euros que tu vas dépenser 500 euros pour dire que j'ai trouvé 10 euros. Donc, et la chose est quoi? Est chez toi en même temps. La chose est à la maison bien gardée. Après une année exactement, tu comptes une année, compte arabe. Compte arabe, c'est-à-dire une année, c'est à peu près 300 et quelques jours. Hein? Il y a à peu près 12 jours entre les deux années, l'année locale chrétienne et l'année musulmane. Tu attends une année, si son propriétaire ne vient pas, l'Azawj a dit, c'est un cadeau pour toi. Elle est devenue, ton propre risque. Elle est devenue ton propre bien. Mais j'ai dit que il faut. Non, c'est une bonne question. J'ai dit que il faut quoi? Il faut essayer de dire aux gens, etc., que j'ai trouvé cette chose. Maintenant, avant d'oublier de dire à Hassan ce qu'il a dit, avant d'oublier, si après une année n'est pas venue, elle est devenue ton bien. Supposons que maintenant tu l'as prise, ou là, tu as pris cet argent, tu as acheté avec des choses, ou là tu as, si c'est beaucoup d'argent, tu as acheté une voiture ou là. Ensuite, son propriétaire vient. Il vient après deux années ou là trois années, il te dit voilà, j'ai entendu que tu avais l'argent, c'est moi, j'étais en voyage, etc. Qu'est-ce que tu fais là? Là, tu es obligé de lui rendre l'argent. Si tu n'as pas l'argent, c'est une dette sur tes épaules. Sauf si lui, il va comprendre ton cas, il va dire khalas, puisque tu les as achetés, ou là tu les as dépensés, ou là tu les as donné à un autre, ou là khalas. Sauf dans ce cas, si lui il ne veut pas. Même après une année, si tu ne veux pas, par exemple, utiliser cet argent, tu dis non, je vais le donner, par exemple, aux pauvres. Tu le donnes aux pauvres, ou là tu le donnes à la mosquée. Ensuite, lui il vient, tu dois lui donner l'argent de ta poche. L'argent que tu as donné aux pauvres, tu le donnes une deuxième fois à ce bonhomme. Pourquoi? Parce que c'est lui le propriétaire. Donc j'espère que vous avez compris qu'après une année, dans toute l'année, tu essaies de connaître le propriétaire. Une année est terminée, c'est devenu ton argent, sauf dans le cas où le propriétaire revient. Même s'il revient après 50 ans, tu dois lui rendre cet argent. Hassan 830 a dit quelque chose de bien, il a dit, ne doit-on pas les déclarer aux autorités? Les ulama disent, s'il y a dans votre pays des autorités spécialement faites pour cela, il y a une, par exemple, au commissariat, ou là, il y a un endroit spécialisé où ils rendent ces choses aux propriétaires. Cela, tu es obligé de leur donner. Si tu es dans un endroit où tu sais qu'ils rendent ces choses-là. Parce qu'il y a des endroits où ils ne rendent pas. Il y a des endroits où il n'y a pas cela. Même si tu vas les poser, il te dit, prends-les, ou là, nous, on va les prendre. Donc, si tu es, par exemple, comme à Mecca ou là, c'est sûr que ils vont les donner, sinon ils vont les dépenser dans la mosquée ou bien dans quelque chose que l'Azawjil aime. C'est pour ça que Ibn Qayyim Ali rahmatullah, Ibn Qayyim a dit, si tu trouves par exemple un mouton, tu as le choix entre trois choses. Tu le vends et tu caches ton argent. Tu l'égorges et tu le manges. Et quand le propriétaire vient, tu lui dis combien il coûte ce montant, tu lui donnes son argent. Ou bien tu le laisses chez toi et yani tu lui donnes à manger, etc. Quand il vient le propriétaire, il te paye pour le manger que tu lui as donné. Mais j'ai oublié de vous dire qu'en islam, il y a des choses, ou des animaux, qu'il est interdit de récupérer. Il est interdit de récupérer. Comme quoi? Comme le chameau. Tu trouves un chameau, tu dis pas celui-là, je vais le récupérer. Et je vais attendre chez moi une année son propriétaire. Non, ça c'est pour le mouton seulement. Par exemple, le mouton et tous les animaux qui ont peur. Comme le chameau, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, c'est pas la peine le chameau. Il a dit, pourquoi? Il a dit, il a son nom sur son dos. Le chameau, vous savez qu'il peut rester 4 à 5 mois sans boire. Pourquoi? Il a la graisse, elle dit, elle fond et elle devient de l'eau. La Zawjal l'a créé d'une façon yani, spéciale. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Ne médite-t-il? Pourquoi qu'il ne médite pas? Pourquoi qu'il ne voit pas le chameau? Comment je l'ai créé? Le chameau, c'est un tank. C'est un char. Un char spécial du désert. Il est plus fort que le vrai char de la caserne. En ce qui concerne le désert, il peut rester 4-5 mois sans boire, il marche des milliers de kilomètres, il a besoin seulement de manger un peu, et il n'a pas peur de qui? Il n'a peur ni du lion, même le lion ne peut rien lui faire s'il est seul un lion. C'est pour ça qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu trouves le chameau, tu le laisses, tu dis pas, je vais le récupérer chez moi. Sauf bien sûr, si tu connais par exemple son propriétaire, tu le récupères pour le lui donner. Ensuite, sans oublier, là, je viens de me souvenir quelque chose qui a rapport et qui est intéressant aussi. C'est que, à Mecca, le haram, le hadith a dit, il est interdit, si tu trouves quelque chose, de la prendre pour la laisser chez toi. Il est interdit, si tu trouves quelque chose, par exemple, l'argent ou là, tu le prends. Sauf, c'est quoi? Si tu veux, yani, par exemple, tu veux le donner aux autorités, par exemple. Tu trouves l'argent ici, tu le prends, je dis quoi? Je vais le donner aux autorités parce que peut-être qu'il va passer par là quelqu'un qui n'est pas pieux. Là, il va le prendre. Donc, je le prends et je vais directement aux autorités. Ça, c'est une chose spéciale pour le haram. Pour le haram nabawi, pour le haram al-Mekki. Quand tu es à Médine ou là, à Mecca, tu trouves quelque chose. Tu la prends directement aux autorités et tu ne la prends pas pour la laisser une année chez toi, comme on a dit pour les autres cas, mais directement aux autorités, car c'est interdit, comme on a dit, de prendre une chose pour la laisser chez soi, une année ou là, quand c'est à Mecca et Medina. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit I'azil, ou a'azil anha in shi'it, fa innahu sayatiha ma quddira lah. أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها. Regardez l'islam. Certains mosquins, les pauvres, qui croient que l'islam c'est seulement la salat, les cinq piliers. L'islam c'est quoi? C'est Alhamdulillah, j'ai dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, je fais le jeûne, je fais la prière, si j'ai de l'argent, Inch'Allah, je fais la zakat. Et si je peux, Inch'Allah, j'ai un peu d'argent, je vais aller au Hajj. Je vais aller au Hajj quand? Quand est-ce que je vais aller au pèlerinage? Inch'Allah, quand j'aurai 75 ans, 80 ans, là, j'aurai bien profité de la vie, il ne reste plus rien. Avant de mourir, je vais laver mes os là-bas. Hein, c'est un bain mort. Le Hajj, c'est un bain mort. Tu rentres au bain, tu prends la douche. C'est ça le Hajj pour certains gens. Le Hajj, mes frères et mes sœurs, plus tu es jeune, plus il est mieux que tu le fasses. Fais-le à 20 ans, à 22, à 24. Ne laisse pas dépasser la trentaine, ensuite la quarantaine, ensuite tu vas là-bas. Tu vas, la mort peut t'arriver, tellement c'est difficile quand on y agit. Donc profite quand tu as 20 ans, 25 ans, tu es fort, elle dit premièrement. Deuxièmement, qui t'a dit que tu as l'argent, tu veux pas aller? Qui t'a dit que tu vas ne pas mourir et que tu vas vivre jusqu'à 70 ans, 80 ans? Qui t'a dit cela? Peut-être demain tu vas mourir. D'ailleurs, même le hadith du prophète alayhi sallam a dit quoi? A dit, dès que vous avez l'occasion de faire le hajj, faites-le. Parce que il y a des entraves, il y a des choses qui vont se passer, je ne sais pas ce qui va se passer. Je voulais dire que l'islam, c'est beaucoup plus vaste que cela. L'islam, quand tu rentres aux toilettes, il te dit ce que tu dois faire. Ce que tu fais avant de rentrer, ce que tu fais à l'intérieur, comment tu fais, et quand tu sors, ce que tu fais. Comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu dis avant de t'habiller, qu'est-ce que tu dis lorsque tu enlèves tes habits, quelle est la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu te coiffes, il y a tout. ma farratna fi kitab min shay. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, on n'a rien laissé dans le kitab, dans le Coran, sans l'avoir montré. On n'a rien laissé. Toute chose, on l'a montré. Soit clairement, soit on l'a déduit. Soit clairement, elle est nette comme ça, soit elle se trouve à l'intérieur d'un verset, etc. Et c'est le ulama qui trouve cette chose. Nous, on ne la trouve pas, on lit le verset, on ne trouve rien. Eh bien, le alim, il la trouve. Je dis un exemple très simple, Par exemple, quelqu'un, par exemple, va dire, vous avez dit qu'il y a tout dans le Coran. Tout, alhamdoulilah. Maintenant, par exemple, il y a le climatiseur. Moi, je suis maintenant assis, on passe d'un climatiseur ici. Tellement il fait chaud. Montre-moi le climatiseur dans le Coran. Allez, on va chercher page par page les versets où c'est écrit climatiseur. Bien sûr, c'est pas ce que l'Azawjal a voulu dire. L'Azawjal a voulu dire, le climatiseur, là, par exemple, il rentre dans le Coran, mais il rentre dans des choses amma, c'est pas des choses comme ça particulières, le mot climatiseur, ensuite la chaîne stéréo, ensuite l'horloge, ensuite tout ça, ça doit être dans le... C'est pas comme ça. Regardez l'Azul quand il a dit, il parlait, il n'a fait que d'une façon générale, il n'a fait que le sénat ou l'adr, qu'il a fait l'aïlou n'a, ou le foulk il l'a dit, il est en train de vanter ce qu'il y a, ce qu'il a créé, etc. Ensuite il parle, il a dit, il est bateau. Ou le fulk, l'ati tajri, et les bateaux qui courent, ou là qui naviguent, ou le fulk l'ati tajri, fil bah, qui court, qui marche sur l'eau, qui navigue sur l'eau, les bateaux qui naviguent sur l'eau, bima yinfa'unnas, avec qui voguent sur l'eau, les bateaux qui voguent, regardez ce verset, les bateaux qui voguent sur la mer avec ce qu'il y a de bénéfique pour eux. Les ulama ont dit, donc la azawjul, a cité le bateau qui vogue sur la mer contenant quoi? Contenant des choses bénéfiques pour nous. Et bien voilà, il y a des conteneurs qui viennent dans les bateaux, tu ouvres le bateau, tu trouves les climatiseurs, tu trouves beaucoup de choses qui sont intéressantes, qui sont bénéfiques aux gens. Donc là, quand il a dit le bateau qui vogue sur la mer contenant des choses bénéfiques, c'est parler des conteneurs et de ce qu'il y a à l'intérieur, et les matières premières et les climatiseurs, toutes les choses qu'on fait venir des autres pays qui sont bénéfiques pour les gens. Pourquoi je disais cela? Pour que vous sachiez que il n'y a pas quelque chose dont l'islam n'a pas parlé. Sauf si tu ne sais pas toi, tu n'as pas étudié, tu dis l'islam n'a pas parlé de cette chose. Mais quiconque a étudié l'islam, et le vrai, il l'a connu, il trouve qu'il n'y a pas une chose où Allah Azzawajal n'a pas parlé. Il ne t'a pas montré comment faire, il ne t'a pas laissé. Allah Azzawajal ne t'a pas laissé comme ça, tu suis ce que tu veux toi. Il t'a dit, moi je t'ai créé. Moi j'ai créé la terre, moi je t'ai fait descendre sur terre, moi j'ai créé l'univers et je t'ai créé et je vous ai donné un Coran et une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme livre pour vous guider comment vous vous compreniez, vous vous unifiez avec l'univers. C'est moi qui vous ai créé, c'est moi qui ai créé l'univers, c'est moi qui vous montre ce que vous devez faire sur cet univers. Beaucoup de gens font la guerre à l'univers, font la guerre. On va faire la guerre aux montagnes, on va leur faire des bombes et les enlever, ces montagnes, elles nous gênent. On fait la guerre, c'est pas à la glace, il y a beaucoup de glace, on lui fait la guerre. On fait la guerre, je ne sais pas, aux animaux. Tout ça, c'est faux. L'islam t'a montré comment tu unifies avec l'univers, il n'y a pas de guerre entre toi et l'univers. Toi, c'est Allah qui t'a créé, l'univers, il l'a créé aussi. Et il y a comment vous pouvez vous unifier si tu connais vraiment le Coran et la Sunna. Donc je voulais dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, voilà, pour vous montrer aussi qu'il n'a rien laissé, il a dit, a'zil anha in shi't, il parle de l'homme, il lui dit quand tu fais le rapport avec la femme, si tu ne veux pas que ton liquide séminal soit, yani, reste à l'intérieur de la femme, tu ne veux pas éjecter ton liquide à l'intérieur de la femme, tu veux l'éjecter à l'extérieur, il a dit, fais cela si tu veux. Fais cela si tu veux. فَإِنَّهُ سَيَأْتِهَا مَقُدِّرَ لَهَا. Il a dit, même si tu fais cela, ça s'appelle l'azl en arabe, l'azl. Il a dit, même si tu fais cela, si Allah Azza wa Jal a écrit 50 000 ans avant de te créer, que ce jour-là, il y aura un enfant, il doit y avoir cet enfant. Ça veut dire que ce que je viens de dire, ça s'appelle l'azl. ça veut dire ne pas laisser le liquide séminal aller à l'intérieur de la femme, on le jette à l'extérieur. Il a dit, même si tu fais cela, et cela c'est faisable, ce n'est pas haram, avec la condition de la vie de la femme et de l'homme. Il faut que yani, les deux. Il faut que les deux soient d'accord pour que, par exemple, qu'ils fassent ce qu'on appelle tandem nest. Ils disent, par exemple, ces deux années, on ne veut pas avoir d'enfants, par exemple, ces deux années, on va faire ce qu'on appelle l'azl. Ça veut dire éjecter à l'extérieur. Le prophète alayhi sallam a dit, même si tu éjectes à l'extérieur, si Allah azza wa jal a écrit qu'un enfant naisse, il faut qu'il naisse. Pourquoi? Parce que juste, comment ça se passe? Juste par exemple, avant d'éjecter, juste un quart de seconde, yani, il y a une petite goutte qui reste à l'intérieur. Une petite goutte. Une petite goutte, ça comprend des millions de, je ne sais pas comment on appelle, chromosomes, là, comment ça s'appelle, des millions. Un seul suffit, un seul. Le seul hada, il peut, spermatozoïdes, des millions de spermatozoïdes. Un seul seulement, il peut donner des jumeaux, des triplés, des quadruplés, des quintuplés, il donne 5, 6, le seul, un seul. C'est pas 5 spermatozoïdes qui vont donner 5 enfants. Le seul, un seul, il se divise en 4, en 5, en 6, d'après ce que Allah Azzawajal veut. C'est pourquoi les 5 et les 6 se ressemblent, on dit subhanallah, comme deux gouttes d'eau. Non, ils se ressemblent, parce qu'ils sont sortis du même spermatozoïde et non pas de 5 différents. Donc ce que je viens de dire, c'est que ceci c'est faisable avec l'accord des deux couples, et toujours il se dit que si Allah Azza wa Jal veut, wallahi, le bébé va venir, mais nous on fait seulement, yani, on a pris sebeb, yani, on a fait ce qu'on pouvait seulement, mais je viens de dire, si Allah Azza wa Jal veut le bébé, il fera de sorte que le bébé vienne. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبلي. الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إلى دي الله عز وجل ما دوني خمسا ما دوني سان شوز aucun messager ou bien aucun prophète avant moi on ne les lui a donné. الله عز وجل ما دوني سان شوز qui m'a donné à aucun prophète avant moi. On va voir quelles sont les choses, que les 5 choses que aucun prophète n'a eu avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hal fi saut. Hal fi saut, barakallahu fik. Ah, jazakallahu khairan. Naam. Donc quand il a dit, je vous ai barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Quand il a dit, Lazar il m'a donné 5 choses qu'il n'a pas donné aux autres, c'est premièrement, c'est qu'est-ce qu'on peut prendre comme avantage? On prend comme avantage que quoi? Que ce n'est pas les prophètes et les nabis et les messagers ne sont pas tous dans le même degré. Hein. Il y a des degrés, il y a des prophètes qui sont mieux que d'autres prophètes. Il y a des prophètes, et vous devez savoir que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des prophètes, et que nous, on croit en tous les prophètes. C'est un privilège, barakallahu fik, c'est un privilège, naam. Nous on croit en qui? En tous les prophètes. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Les autres, chacun croit seulement en son prophète. Tu parles aux chrétiens et tu dis, Jésus, c'est celui-là le prophète. Les autres, non, c'est un prophète pour les Arabes. Celui-là, il va dire, le juif, il va dire, Moussa alayhi salam, ça c'est le vrai prophète. Et Jésus, l'autre, c'est pas le vrai prophète. Et ça, c'est un prophète pour les chrétiens, etc. Nous on dit, nous on croit en tous les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes sont venus envoyés par Allah azza wa jal. Et quiconque dit je crois en tous les prophètes sauf en un, il choisit un, ou là il dit celui-là je crois pas en lui, c'est un kafir, c'est un mécréant, il va aller en enfer pour ne plus ressortir. Car si tu crois que Allah azza wa jal a envoyé celui-là, pourquoi tu ne crois pas qu'il a envoyé le deuxième et le troisième? Pourquoi tu parais seulement à un ou deux ou trois, tu ne crois pas qu'il a envoyé aussi les autres? Donc tu n'as pas cru en Allah subhanahu azza wa jal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu 5 privilèges. Il a dit, Nusirtu bi ru'bi masirata shahr. Nusirtu bi ru'bi masirata shahr. Le prophète alayhi sallam a dit, Allah azza wa jal m'a donné une chose spéciale parmi les 5 cadeaux. C'est quoi? La première, il a dit, quand je fais la guerre aux mécréants, il y a la guerre par exemple entre les musulmans et par exemple les koufars, les mécréants, comme il y a eu entre les musulmans, entre Khouarij, entre un, il y a eu beaucoup de guerres saintes. Il a dit, quand je vais faire la guerre, Allah m'a donné la guerre, il a dit, quand je vais partir, par exemple, je suis à Médine, je vais aller par exemple vers le pays, l'autre pays, pour rencontrer les ennemis. Autrefois, il allait sur chameau, sur monture, etc. Donc, il se peut que, par exemple, le voyage dure 3 mois, peut-être plus, 6 mois, pour arriver, par exemple, de Médine jusqu'à, par exemple, la Chine, supposons. 5 mois ou 6 mois à d'autres chameaux. Le premier privilège, c'est que le prophète Aïssalem a dit, quand il reste seulement un mois entre moi et eux, il reste un mois entre moi et eux, un mois, disons, peut-être, hein, peut-être c'est 200 kilomètres, peut-être, je dis de ma tête comme ça. Maintenant, il reste un mois et j'arrive. Dès qu'il reste un mois, qu'est-ce qui se passe? Le premier privilège, Allah Azza wa Jal fait descendre dans les cœurs des mécréants le tremblement, leur cœur tremble de peur. Les jambes tremblent de peur. Tout s'y commence à trembler. Subhanallah. Déjà, le fait de trembler comme ça, c'est déjà quoi? Déjà, ils sont à 50%. Hein, ils ont perdu la guerre. La guerre, tu veux la gagner, tu dois être fort, tu dois être. Maintenant, si tu commences à trembler, des soldats qui vont venir, ça veut dire à 50%, tu vas perdre la guerre. Donc, c'est un privilège quand il reste un mois entre le prophète alayhi salam, entre ses ennemis, Allah Azza wa Jal faisait descendre la peur dans leur cœur. Rab, ça s'appelle en arabe Rab. C'est pas seulement la peur, hein. Il y en a plus que la peur. Je dis Rab, hein. Il y a par exemple des milliers de soldats qui viennent dans une ville, des milliers, ils rentrent, ils commencent à brûler, à égorger les enfants. Qu'est-ce qu'on dit? On dit on a rab dans le cœur. Dans le cœur, on a rab, c'est plus que la peur. Un mois avant d'arriver et un mois après être parti. Ensuite, le prophète Islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il a terminé la guerre, il va partir, hein. Il y a ceux qui restent vivants, il y a des blessés, il y a des femmes. Tout le monde aura encore peur jusqu'à ce qu'il s'éloigne d'une distance d'un mois. Maintenant, ils ont toujours peur jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éloigne d'eux. Yani, il marche une distance d'un mois. Ça, c'est le premier privilège. Le deuxième privilège, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran » فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, Allah Azza wa Jal m'a donné un deuxième privilège, il a fait de sorte que où je suis, il a fait de sorte que la terre elle est pour moi une mosquée, ça veut dire je peux faire la prière dans n'importe quel endroit et par Oran, et je peux en même temps, s'il n'y a pas d'eau, je mets mes deux mains sur la terre, ensuite je lève mes mains, je souffle sur les mains pour enlever s'il y a des cailloux là, des épines, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les mains. Ensuite j'essuie mon visage, j'essuie mes deux mains jusqu'au poignet, je dis là encore je fais ma salat. Alors qu'autrefois les autres prophètes, si l'heure de la prière arrivait, il s'était interdit de faire la prière dans la rue par exemple, en plein air. Il faut que tu ailles à l'endroit spécialisé de la prière. Si c'est une mosquée, si c'est une église, tu vas à l'endroit où il faut aller faire la prière, où il faut faire la prière. Il y avait des endroits spécialement où on faisait la prière. Il a dit, maintenant, là, je m'a donné un privilège. Tu pars de ton pays vers un autre pays en voiture, alhamdoulilah, tu t'arrêtes où tu veux, tu fais la prière devant un arbre ou là où tu veux en plein air. Autrefois, non. Tu ne pouvais pas faire jusqu'à ce que tu arrives où il faut faire la prière, par exemple une mosquée ou bien un endroit spécial. Autrefois, c'était interdit de faire la prière seulement avec de l'eau. Tu n'as pas d'eau, tu attends jusqu'à ce que tu trouves de l'eau. Un mois, 2 mois, 3 mois, 1 année. Tu attends jusqu'à ce que l'eau vienne. Maintenant, alhamdoulilah, il n'y a pas d'eau. Tu frappes sur le mur, tu frappes sur le sous-sol, tu frappes sur le carrelage, tu frappes sur la dalle de sol, tu dis bismillah, les yeux, pardon, le visage des deux mains jusqu'au poignet, tu dis Allah Akbar. Tellement c'est facile. Et alhamdoulilah que nous sommes de la nation de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah Azza wa Jal lui a beaucoup facilité les choses. Ensuite, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَأُحِلَّتْ لِلْغَنَائِمْ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ وَأُحِلَّتْ لِلْغَنَائِمْ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ. L'autre chose, la troisième, c'est que le prophète alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un fait la guerre sainte, autrefois, je parle d'autrefois, quand il faisait la guerre sainte, supposons, les soldats musulmans sont venus, ils ont fait la guerre à d'autres soldats, bon, ils ont tué, ils ont là, certains se sont enfuis, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Le butin. Maintenant, le butin. Ah, il y a l'or, il y a l'argent, il y a beaucoup de choses, ça s'appelle le butin. Anfal, nam. Il y a le butin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Autrefois, il mettait tout ça, hein, il regroupait tous les butins. Tout le butin, là, il le regroupait dans un endroit, par exemple, comme ça, au milieu, en plein milieu, il le regroupait, l'argent, l'or, les bijoux, il regroupait tout. Ensuite, il s'éloignait un peu, il commençait à regarder qu'est-ce qui va se passer. Allah Azza wa Jal va faire descendre un feu spécialement du ciel. Comme disons maintenant, par exemple, un coup de foudre. Mais celui-là, c'est du feu. Le coup de foudre, il peut ne rien faire. Allah Azza wa Jal lui fait descendre un feu du ciel, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle tout le butin. Alors, au temps des autres prophètes, en notre temps, le butin est permis pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va le diviser entre les musulmans, ça s'appelle l'anfal. Il va le diviser. Donc, autrefois ce n'était pas permis, maintenant c'est permis et il le divise, yani le chef, il le divise entre les musulmans. Il donne à chacun yani, une part bien précise. Donc ça aussi c'est un grand privilège pour ceux qui font la guerre. Pourquoi? Parce que autrefois la foi elle peut être un peu faible. Les gens qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont spécialement pour le butin. Bon, je vais faire la guerre, pourquoi? Alhamdoulilah, on va ramener de l'or, on va ramener des femmes, on va ramener que dalle, alhamdoulilah, vive la guerre. Alors la zone va te dire non. Tout sera brûlé, tu ne prendras rien. Si tu pars, tu pars au visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en notre époque, Allah Azza wa Jalla a su, Alima, qu'il y a de vrais croyants et qu'il y a des gens qui sont sincères, etc. C'est pour ça qu'il leur a dit, vous pouvez prendre, et c'est en même temps quelque chose qui encourage. C'est quelque chose pour encourager aussi les guerriers. Ça, je crois que c'est le troisième privilège. Le quatrième, il a dit, il a dit, on m'a donné, l'Azul m'a donné l'intercession. L'intercession, Shafa'atul Uzma. C'est quand l'Azul va nous faire sortir de la tombe, quand on va mourir, on va rester dans la tombe, ensuite on va sortir de la tombe, tout nu, comme nous a enfanté notre mère, on va sortir comme ça. Ensuite, il y a les anges, tu trouves les anges devant la tombe, ils vont te guider, là, tu ne sais pas où est-ce qu'on va aller exactement. Il y a des tombes, pardon, il y a des anges qui vont te guider à l'endroit spécial où tu vas attendre, ce sera le grand jour, tu vas attendre le jugement pour voir où tu vas aller, en enfer ou bien tu vas aller au paradis. Le jugement, bien sûr, c'est d'après ce que tu as fait dans cette vie. L'Azéoul est juste, il ne va pas rentrer quelqu'un qui l'a adoré en enfer. Il est tellement juste aussi que celui qui mérite l'enfer, il ira en enfer, celui qui l'a pas adoré. Ce jour-là, comme j'ai dit, on va attendre pour que Allah Azza wa Jal vienne pour qu'il commence le jugement. Tu vas attendre des centaines d'années, si ce n'est pas des milliers, parce que ce jour-là sera long de 50 000 ans. Ce jour-là sera long de 50 000 années. Donc, tu vas attendre, je ne sais pas combien, 1000 ans, 2 ans, 3000 ans, je ne sais pas combien, le soleil, pas très loin de la tête. Alors là, les gens vont dire, jusqu'à quand on peut attendre, on a attendu depuis je ne sais pas combien de temps, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont aller au prophète, pour qu'il fasse l'intercession à Allah Azza wa Jal, seulement pour qu'il vienne faire le jugement. C'est pas pour qu'il vienne de rentrer au paradis, mais seulement pour faire le jugement. Allahu Akbar. Tellement, yani, c'est difficile. C'est à peu près, j'ai donné une fois cet exemple, c'est à peu près, tu rentres au tribunal maintenant, tribunal terrestre, tu as une affaire avec le voisin, tu rentres et tu commences à attendre le juge et il ne vient pas. 10h du matin, 11h, 12h, tu commences à avoir faim, il n'y a rien. 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h de l'après-midi, il n'y a rien. En tout cas, qu'est-ce que tu dis dans le cœur? Seulement qu'il vienne. J'en ai marre, moi, c'est la troisième fois là que je viens de loin. Je souhaite seulement qu'il vienne, quitte à ce qu'il m'envoie en prison. J'en ai marre, moi, je suis fatigué. Qu'il vienne seulement. Allah Azza wa Jal, qui va le faire venir? Le juge Hada, on peut lui téléphoner, on va lui dire, tu es en retard, il y a des gens qui viennent, viens ou bien on va t'enlever, t'excuser, on va mettre quelqu'un à ta place. Mais Allah Azza wa Jal, qui a le courage de lui dire pourquoi tu n'es pas venu, ou là où étais-tu, ou là, ma'ad Allah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Personne n'a le droit de lui poser une question, c'est lui qui pose les questions. C'est lui qui pose. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, on va aller à Adam alayhi salam, c'est notre père. C'est la première création, c'est peut-être lui qui va nous faire l'intercession et faire venir Allah Azza wa Jal. Ils vont lui parler, oh Adam, c'est toi notre père, c'est toi que Allah Azza wa Jal a créé le premier. C'est toi qui l'a créé avec la main, avec sa main. C'est toi auquel il a fait prosterner les anges. C'est toi ceci, c'est toi cela. Aide-nous, yani, et tu vois le comment qu'on est, tu vois la sueur qui coule, tu vois, yani, on est en plein supplice. Que dira Adam Asim? On dira, oh, pardon. C'est pas moi qui peut faire cela. Moi, on m'a dit de ne pas manger d'un arbre, j'ai mangé. Moi, je ne peux pas. Allez voir un autre. Allez voir Nuh, alayhi salam. Allez voir Nuh. Moi, j'ai mangé de quoi? De l'arbre. Ils vont à Nuh, alayhi salam, la même chose. Oh Nuh, alayhi salam, Noé, toi tu es le premier messager qu'Allah Ta'ala a envoyé sur terre. C'est vrai, c'est le premier. Adam, c'est le premier prophète et Nuh, c'est le premier messager. Naam, nafsi. Alors on va lui dire, ya Nuh, alayhi salam, aide-nous, regarde l'état où on est, aide-nous, etc., etc. Il va dire, nafsi. Yani, mon âme. Yani, moi j'essaie de me sauver moi-même. Je ne peux pas. Yani, comment je peux pour vous? Ensuite, il va dire la faute qu'il a faite. Il va dire, moi, j'ai fait un doua qu'il ne fallait pas faire. Parce qu'il a fait un doua de, à ce que Allah Azza wa Jal anéantisse toutes les koufars. Ensuite, ainsi de suite. Ils vont aller à chaque Nabi. On laisse ce hadith, inshallah ta'ala. Il est rentré seulement comme ça de passage. On le laisse pour lorsqu'il va venir ce hadith spécialement avec les détails, bien sûr, chaque Nabi dira quoi? Dira la faute qu'il a commise. La plupart des hadiths, quand ils sont arrivés à Isa alayhi salam, quand ils sont arrivés à Jésus, à Isa alayhi salam, ils n'ont pas noté ce qu'il a dit. Tous les autres ont dit, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Ibrahim a dit, j'ai menti trois fois. L'autre, chacun a dit une chose. À Isa alayhi salam, il n'a pas dit ce qu'il a fait, mais dans d'autres hadiths sahih, authentiques, que dira Isa alayhi salam? Il dira, j'ai été adoré à la place d'Allah. Naam, on m'a adoré à la place d'Allah. Naam, les chrétiens adorent Isa alayhi salam, ils disent c'est lui Allah, ou bien c'est lui son fils, ou bien c'est le Saint-Esprit, ou bien c'est les trois, ou bien c'est pour ça que tous les dix chrétiens, tous les cent chrétiens se diffèrent. Chacun y croit d'une autre façon. L'autre il te dit c'est Allah, l'autre il te dit c'est son fils. L'autre il te dit c'est le Saint-Esprit, l'autre il te dit c'est les trois. Donc que va dire Isa alayhi salam? Il va dire, oh, j'ai été adoré à la place d'Allah. Allez voir un autre ensuite, bien sûr. Voilà le hadith, ce que je voulais. Ils iront au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont lui dire, c'est toi le dernier des prophètes. C'est toi ceci, c'est toi cela. Ils vont le vanter. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam ira vers Allah azza wa jal. Ensuite bien sûr, avant de le voir, ensuite il fera une prosternation. Ensuite il a dit, le prophète Hassan, il a dit, Allah Azza wa Jal, quand je fais cette prosternation, il va m'aider à ce que je fasse beaucoup d'inventations et vanter les mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de dire yani, des choses il a dit que je ne connais pas maintenant. Et quand je vais faire cette prosternation, que Allah Azza wa Jal va m'aider à ce que je dis cette chose. Ensuite Allah Azza wa Jal lui dira, lève ta tête, ishfa'tu shafa, lève ta tête, fais l'intercession, elle sera acceptée. Ensuite, le prophète Aslam lui dira, voilà, il y a des gens sont dans un état et ça. Ensuite, Allah Azzawajal va venir pour faire le jugement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide ce jour-là et que notre calcul, notre jugement sera, inshallah ta'ala, simple et ne sera pas compliqué. Et qu'il nous, yani, yatafadl alayna, il nous fera rentrer au paradis, bi rahmatihi ou bi fadlih. Non, mais pas de problème, Mouad. Voilà. Donc, je m'arrête, je crois, aussi, ici, inshallah ta'ala, pour vous donner le temps de poser vos questions. Je souhaite, inshallah ta'ala, que les questions soient sur le dars, inshallah ta'ala. Je souhaite que les questions et rapport avec le dars, inshallah ta'ala, car j'ai l'intention de faire un jour spécialement pour les questions, même qui sont hors dars, même qui n'ont pas, yani, trait avec le dars, inshallah ta'ala. Inshallah ta'ala, dans 5 minutes, on se rencontre pour les questions. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Je demande surtout à mes soeurs de rentrer dans cette clique sur Ahlul Hadith, parce que c'est écrit, yani, ils donnent des nasa'ih à nos soeurs, yani, qui passent beaucoup de temps dans les salons vides et qui ont beaucoup de problèmes avec les fitnas avec les personnes égarées et avec les personnes qui cherchent les plaisirs, etc. Wallahu ta'ala alam, salam alaykum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais saut. Naam. Premièrement, en ce qui concerne le sou'al de Smahli, si je ne sais pas si tu l'as dit, mais quand on trouve une petite somme, on fait quoi? Trouver une petite somme, ce n'est pas important. Yani, on peut ou bien la donner à quelqu'un pauvre, ou bien la prendre, inshallah ta'ala. De toute façon, avant de répondre à vos questions, et j'ai encore une chose à dire aussi en ce qui concerne le forum, inshallah ta'ala. Avant cela, il y a avec nous ici Fasl al-Khitab qui avait promis qu'il allait apporter des dalils qu'en islam, l'esclave pouvait se marier avec sa femme, avec sa mère. Inshallah ta'ala, Fasl al-Khitab, moi, je vais te donner la roche, je vais t'enlever le point rouge. Tu poses les dalils. Je t'ai laissé le temps d'aller chercher, tu me poses les dalils. Je les note chez moi. Si elles sont loin de la vérité, je vais maintenant les annuler. Si tu dis par exemple livre ton numéro 6 Kadak Damda, je prends tout ça chez moi, je les note, deux trois jours je vérifie et on se rencontre inchallah une deuxième fois. Fadbal Fasl Khitab, pose les dalils, barakallahu fik. Par rapport à l'esclave, si le fils a sa mère en esclave, il peut avoir les rapports avec. C'est Ibrahim qui a apporté une question qu'on avait posée l'imam Mohamed Rahimallah dans son livre Jami' al-Fiqh, tome 5. Le livre de qui, Jami' al-Fiqh? Je ne connais pas ce livre, Jami' al-Fiqh, je ne le connais pas. Tome 5, c'est quelle page? C'est quel livre et quelle page? Non, je connais pas ce livre. Je connais pas qu'il a un livre qui s'appelle Jami' al-Fiqh. Non, je ne connais pas ce livre. J'ai lu presque tous les livres d'Ibn al-Qayyim, je ne connais pas ce livre. Non, tu l'as, ça ne veut pas dire que c'est Ibn al-Qayyim qui l'a écrit. Hein? Ce sont des... Maintenant, je vais, moi, Z-Mi'ad, je prends quelque chose du milieu et je lui donne un nom. Je lui dis, par exemple, la guerre sainte du prophète. Hein? Je veux dire, est-ce que c'est lui qui l'a écrit? Seulement voilà ce que je veux dire. Bon, moi j'ai écrit là, sauf Jamia al-Fiqh, tome 5, tome 5, naam. Naam. Fadal. Si c'est terminé, dis-moi j'ai terminé. Hein. Naam. Moi je te dis barakallahu fik. Naam. Je vérifie, jazakallahu khair. Barakallahu fik. Je voudrais te dire une chose, Anna, face au khitab. Je voudrais te dire une chose. Moi, c'est pas ce que je t'ai demandé. Moi, c'est pas ce que je t'ai demandé. Moi, je t'ai demandé, tu m'apportes quelque chose en islam, que Allah Azza wa Jal a dit, ou son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu vas me dire, Ahmed a dit. Moi, je vais te dire, tous les autres n'ont pas dit. Hein? Tu me dis, Ahmed, il a posé une question, il a dit, ça se fait. Moi, je lui dis, comme a dit Abdullah ibn Abbas, je vous dis, Allah et son prophète, non, tu me, hadith Jibril, quel est le hadith? Là, là, pardon, parce que le khitab, hadith Jibril, donc, c'est pas toi qui l'explique, c'est le ulama. Fath al-Bari a dit ce hadith à sept sens. Sept sens, il n'a pas dit ce que tu as dit. Il a dit, il est possible qu'une femme, c'est-à-dire, je l'ai lu, ça fait des années, il a dit, il est possible qu'une femme, une esclave, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se marie avec quelqu'un de qui? De hor, de hor. Alors, elle va avoir un enfant, l'enfant c'est qui? L'enfant il suit son père, il est hor. Donc, la femme a enfanté qui? Rabbataha. L'esclave a enfanté Rabbataha, elle était esclave, et elle est esclave, et elle a enfanté quelqu'un qui est hor, c'est lui, son rab, ça veut dire c'est lui son sayyid. Jamais, jamais, les animaux c'est interdit. C'est interdit à un animal de faire avec sa mère. Jamais ne fait l'esclave avec sa mère, ni ses frères, ni ses soeurs. C'est interdit en islam. Jamais l'esclave, sauf si on l'a libéré. Jamais. Jamais. Les ulama ont dit, moi aussi je vais te ramener. Les ulama ont dit quoi? On dit que quelqu'un, quand il est marié avec une esclave, il n'a pas le droit de se marier avec sa soeur. Avec sa soeur, jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que se termine la période de viduité. La période de viduité. Maintenant, toi, tu vas me dire, Ahmed ibn Hanbal a dit. Moi, je te dis, le prophète Ayah sur ne l'a pas dit. Ahmed a dit plus que cela. Ahmed a dit, la femme, elle peut faire la salat avec les gens. La femme, elle peut guider les gens dans la salat. Toi, tu dis ça, face au khitab. Toi, tu dis que la femme peut faire la prière, elle peut guider les gens dans la salat. Pourquoi tu dis pas ça? Imam Ahmed l'a dit. Il a dit la femme, elle peut guider les gens font la prière derrière elle. Tu dis cela toi aussi? Attrape le chaud de le mic. Salam alaikum. Pas du son, Akhil Karim. Bref, Inch'Allah, la prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est quand tu vas fermer le salon, on ira en privé, Inch'Allah. Parce que ça regarde pas les personnes, le sujet dont on va aborder. Donc je te disais, je t'ai donné le hadith Jibril, je l'ai pas pris à ma compréhension. Bien sûr, je prends selon la compréhension du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Avant d'arriver au savant, je prends Allah, puis son messager, et après les sahaba, les compagnons. Maintenant, je te dis que ceci, on avait posé une question à l'imam Ahmed, et c'est Ibn al-Qayyim qui le rapporte dans son livre, Jamia al-Fiqhi, tome 5. Et ça, j'ai vérifié. Et tu m'as dit que tu me donnes pas de dalil. J'ai donné le dalil hadith Jibril. La femme engendrera sa maîtresse. Ceci, regarde, imagine-toi, et ça c'était très connu en Andalousie, en Espagne. Très très connu. Comme quoi le roi, il prend une esclave et il fait un enfant avec. L'enfant, il hérite du père, comme tu as dit. L'enfant, il hérite du père. La femme, elle reste toujours sous son état d'esclave. Et l'enfant, comme il hérite du père, il devient roi. La femme, c'est un esclave. Donc il a le droit, comme Allah dans le Coran il dit, on a le droit d'avoir les rapports avec les esclaves. Donc il peut avoir les rapports avec son esclave, qui est sa mère. Sauf si on la libère, elle reprend le hukm de sa mère. Et là, il peut plus la toucher, comme c'est interdit, comme tu l'as dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que c'était interdit. Et ça, toute cette explication-là, tu peux le retrouver dans les références que je t'ai données. Voilà, tout simplement. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je jure par Allah le plus puissant qu'il est interdit en islam à quiconque de faire avec sa mère. qu'il soit esclave ou pas. Et ce que tu as dit, tu t'es trompé ici, tu as dit, moi je prends avec ce que disent les ulama le sens. Et bien moi je te dis, reviens à Fith al-Bari, il n'y a pas quelqu'un qui a expliqué le Bukhari comme Fith al-Bari. Ils ont 7 cas pour, qu'est-ce que ça veut dire, Tali de Rabbataha. Jamais il m'a dit elle peut. Il a dit, sauf dans un cas, ce que tu as dit toi, le roi, etc. Ensuite, elle va se marier avec son fils sans le savoir. Ça, il l'a dit. Il a dit, elle ne sait pas. Pourquoi? Parce que son fils va dans un autre pays, il va être grand, etc. C'est pas un esclave. Et elle va se marier avec lui, elle ne sait pas. C'est ça, le Ashrat Sa'a, c'est ça. On arrive à la fin du monde, elle ne va pas savoir que c'est son fils, elle va se marier avec lui. Mais savoir que c'est son fils et se marier avec lui, Wallahi, personne des ulama n'a dit ça dans le monde musulman depuis que Allah a créé la terre, les animaux. Et c'est interdit à l'animal qu'il fasse avec sa mère. S'il le fait, il le fait jahlan. Mais attention à Akhi Fasl Khitab, tu dis quelque chose de très grave. Je te conseille, moi, si tu veux, hein, je te conseille, Inch'Allah Ta'ala, de téléphoner aux ulama, ils sont là. Téléphone à Sheikh Fouzan, téléphone à Sheikh Stehan, téléphone à Rahil, téléphone. Si quelqu'un te dit, il est permis qu'il fasse avec sa mère, il sait que c'est sa mère, esclave. Lui esclave et sa mère esclave. Il sait que c'est ta mère, il fait avec elle. Hada la hawla wa la quwwata illa billah. Jamais, au grand jamais, tu trouveras ça chez un alim. Jamais au grand alim. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, comme tu dis, moi, de toute façon, on peut se rencontrer ailleurs, mais quoi que entre parenthèses, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Mais Inch'Allah Ta'ala, si tu veux, on s'en rencontrera. Inch'Allah Ta'ala, si tu veux, dans une semaine, Inch'Allah, je serai à la Umrah, je t'apporterai, Inch'Allah, un charrette que tu écouteras des ulama. Est-ce qu'ils disent que c'est permis à un esclave de se marier avec sa mère? Là, je l'ai dit, is'alu ala dhikri in kuntum ta'lamun. Et puis, le sens du hadith revient à Fath al-Bari. Fath al-Bari, moi je l'ai lu par cœur, les 13 tomes, je les ai résumés. Retrouve le hadith intalida rabbataha. Si quelqu'un, je dis à tous mes frères qui sont dans la salle et mes soeurs, revenez au hadith intalida al-mar'atu rabbataha. Dans Fath al-Bari, si vous trouvez qu'il a dit qu'il est permis à l'esclave d'épouser sa mère et il sait que c'est sa mère, il l'épouse. Wallahi ta'ala, wallahi ta'ala, wallahi ta'ala, lan aqula harfan ba'd al-yawm. Que je ne dirai plus un mot à partir d'aujourd'hui dans cette salle. Et rendez-moi la réponse la prochaine fois, barakallahu fikum. Ibn al-Islam, tafadhal. Naam, j'ai compris, Ibn Islam, Baraklof, tu veux les 6 endroits où c'est permis de faire la riba. Inch'Allah, j'ai entendu. Je laisse seulement à la fin et je te réponds, Inch'Allah Ta'ala. Parce qu'on commence par les choses qui ont rapport avec le dars. Jazakallah, je te répondrai vers la fin, Inch'Allah Ta'ala. Abdel Ghani, t'as fait. Abdel Ghani, barakallahu fik, Inch'Allah Ta'ala, pour que tu ne perdes pas beaucoup de temps, on ne peut pas t'entendre. Hein. Il faut essayer, Inch'Allah Ta'ala, de réparer. Tu as quelque chose qui ne va pas. Répare, Inch'Allah Ta'ala, et lève ta main. Tu es, Inch'Allah, le premier. Répare et lève ta main, tu seras, Inch'Allah, le premier. Il est 1406. Wa alaykoum salam, je voudrais savoir qu'on nous trouve un objet de valeur ou pas. sommes-nous obligés de le prendre pour qu'on ait son propriétaire, ou on peut le laisser comme ça à sa place pour ne pas avoir de charge? Barakallahu fikoum pour le temps, vous m'accordez, que Allah vous accorde le fils de Amin. Barakallahu fikoum. Si c'est une chose qui n'a pas de valeur, comme par exemple Ali radiallahu ta'ala anhu, Ali radiallahu ta'ala anhu, dans le hadith sahih, apporté par Sheikh Al-Albani, Sunan Abi Daoud, et Sanadin sahih. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a trouvé un dinar autrefois un dinar, bien sûr, un dinar c'est 5 grammes d'or. Il a trouvé un dinar, il l'a pris, et il a même invité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé à manger. Ensuite une femme est venue frapper à la porte, je demande par la cause d'Allah, quiconque a trouvé le dinar de me le rendre. Alors le prophète alayhi wa sallam, je crois qu'il a même emprunté pour le lui rendre. Si tu trouves quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, tu la prends. Ensuite, si c'est quelque chose de valeur, si tu sais, hein, tu regardes à droite, à gauche, tu sais qu'elle va t'être prendre, par exemple, et yani, comme ça, yani, comment je dis, injustement, il vaut mieux que tu la prennes, et que tu la laisses chez toi, ou là, si tu veux pas les machakil, tu la prends, par exemple, tu la donnes à l'autorité, surtout si elle a de valeur, ici c'est un pays, dans un pays musulman. Wallahu ta'ala alam. C'est mieux que la prenne quelqu'un, il va aller faire des choses avec elle, ou là le haram, ou là. Même si c'est, par exemple, si c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de valeur, qui est moyenne par exemple. Tu la prends, tu la donnes aux pauvres. Parce que c'est impossible de retrouver son propriétaire, et c'est impossible d'aller faire la publicité, ou là l'annonce. Donc tu la prends, tu la donnes aux pauvres, inshallah ta'ala. Dans les pays de mécréants, je ne sais pas. Dans les pays de mécréants, je ne sais pas si on leur donne des choses, naam, est-ce qu'ils les rendent ou là ils les rendent pas. Khalin, inshallah ta'ala, hatta abhath akthar, inshallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Muslim, tafadlal, muslim normal. Parmi l'une des causes, c'est d'encourager, de faire, comme j'ai dit tout à l'heure, de faire propager l'islam, etc. Quand tu vas à la guerre, yani, tu reviens avec des butins, même si, alhamdoulilah, même si l'insan, yani, ou bien il meurt shahid, ou bien il revient avec du butin. Ça veut dire dans tous les cas, il est gagnant. S'il meurt shahid, alhamdoulilah, s'il ne meurt pas shahid, il revient avec le butin. Donc c'est pour encourager à ce que les gens, inshallah ta'ala, fassent la guerre sainte. Wallahu ta'ala a'lam. C'est une 32, ta faute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle langue parlera-t-on le jour du jugement? Ça, il n'est cité dans aucun hadith quelle est la langue avec laquelle on va parler. Beaucoup ont dit l'arabe, mais il n'y a pas quelque chose d'authentique en ce sens. Il n'y a pas quelque chose de hadith sahih qui dit que tu vas parler l'arabe. Mais on parlera d'une langue commune, yani, que tous les gens comprendront. L'Azawajal pourra créer une langue que tous les gens comprendront. Mais pour beaucoup de ulama disent c'est l'arabe, mais je veux dire qu'il n'y a pas comme ça un hadith à 100% que c'est l'arabe. Mais yani, ça penche comme ça vers l'arabe, mais ce n'est pas très sûr. Tant qu'il n'y a pas de verset ou de hadith, on ne peut pas dire, yani, on peut jurer par Allah que c'est l'arabe. Mais on dit, yani, beaucoup de ulama ont dit c'est l'arabe. Wallahu ta'ala alam. Chiki barakallah, l'ukht Sakina, la mujahida. Tfadla l'Om Hajar. Cheikh Al-Albani a dit que la sutra est une obligation dans la salat. Doit-on faire 2 sijda à la fin de la salat en cas d'oubli de la sutra? Pouvez-vous me rappeler le 5e privilège, inshallah ta'ala? en ce qui concerne la sutra, c'est une obligation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tusalli illa ila sutra ». Le prophète alayhi wa sallam a dit « Ne fais de prière que vers la sutra ». Donc, la sutra, c'est quelque chose qu'on met entre nous, nous et la qibla. Si on n'est pas, par exemple, si on est au milieu de la chambre, on ne peut pas faire la salat sans s'approcher d'une chose. Sans s'approcher d'un mur, d'une chaise ou d'un divan, cette chose-là, on l'appelle la sutra. Car elle empêche les gens de passer entre nous et la qibla. Naam. Donc, si on oublie la sutra, on ne fait pas les deux rak'at, pardon, les deux prosternations. Si on oublie la sutra, qu'est-ce qu'on fait? On termine normalement. Mais si on est en plein salat, on se rappelle qu'on n'a pas fait la sutra, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. En plein salat, on va un peu vers l'avant, un peu en arrière, un peu à gauche, un peu à droite. On trouve toujours quelque chose. Si tu trouves rien, tu t'approches du mur. La chambre, il faut bien que la chambre ait quatre murs. Donc tu t'approches du mur ou là de l'armoire ou là qui est en face de toi. Wallahu ta'ala a'lam. Frère S. A. Tfaddal. Pardon, je l'ai oublié. Jazakallah khairan, ça, je l'ai oublié. Le premier, il a dit, « Nusirtu bil-Rabb », yani le tremblement que l'Azur descend dans les cœurs. Le deuxième, il a dit, « La terre »« Dualet lil-Ardu misjidin wa tawaran ». Le troisième, il a dit, « Les butins »« Wuhilet lil-Ghanaim ». Le quatrième, il a dit, « L'intercession »« Shafa'a ». Ah, le cinquième, « Jazakallah khairan, Umhajar ». Voilà, Umhajar demande le cinquième, parce que je crois qu'elle l'a oublié. Elle a dit, est-ce que vous pouvez me le rappeler? Alors que, barakallahu fiha, moi-même je ne l'ai pas dit. Allah est jazé comme tout le monde, Allah a dit, comme personne ne m'a dit, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Ah, chef Zanjabila, vous ne l'avez pas dit. Chef, personne ne m'a dit, pourquoi vous n'avez pas dit le cinquième? Alors moi-même j'ai oublié, je me suis arrêté au quatrième. Donc le cinquième, le prophète alayhi sallam a dit, wa bu'istu ila nasi amma. J'ai été envoyé à toute l'humanité. Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام, notre prophète a été envoyé à tous les gens, même aux animaux et aux djinns. Il a été envoyé. Les autres prophètes étaient envoyés chacun à sa nation. Celui-là, il va seulement aux Israéliens. Celui-là, il va seulement aux Arabes par exemple. Celui-là, il va seulement aux Juifs, et ainsi de suite. Notre prophète عليه الصلاة والسلام, c'est pour toute l'humanité. Toute personne qui maintenant existe et a entendu parler de lui, il n'a pas cru, va aller en enfer pour non plus ressortir. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé à toute l'humanité. C'est ça la cinquième. Et il y a même la sixième, j'ai oublié aussi de la dire. La sixième, il a dit, wa utitu jawami al-kalim. Jawami al-kalim, ça veut dire l'Azza wa Jalla m'a donné une chose, yani, qui n'a pas donné aux autres. C'est quoi? Quand je parle seulement un peu, je dis beaucoup. Voilà ce que ça veut dire jawami al-kalim. Je dis seulement une petite phrase, celle-là, elle comporte des sens, elle comporte des choses dont vous pouvez écrire des tomes éloquents. Quand je parle, Yanni m'a donné l'éloquence, je dis seulement deux mots, ces deux mots vous pouvez en écrire, à cause des deux mots vous pouvez écrire deux ou trois tomes. Ça n'en finit pas, tellement qu'il y a 10 idées à l'intérieur. Ça c'est de qui? C'est d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que on dit d'une personne, on dit X hada, il est fasih, et yani, il parle seulement une petite phrase, ça a beaucoup de sens. Et un autre, il lui faut quoi? On dit pas dans fasih, on dit balir ou fasih. Et un autre, pour dire une petite chose, il va rester une heure, il ne trouve pas les mots, etc. Voilà, c'est la sixième chose. Barakallahu fik al-ukht. Abbas, tafaddal, barakallahu fik. آمين. en islam, en islam, le maître n'a pas le droit d'épouser une esclave. En général, le musulman n'a pas le droit d'épouser une esclave, sauf dans deux ou trois conditions. Mais il peut faire l'acte avec elle avec un acte qui s'appelle mulkul yamin, pas avec l'acte qui s'appelle l'acte de mariage. Il y a deux actes en islam quand on veut faire le rapport avec une femme. On le fait avec l'acte de mariage si c'est une hurra, une femme libre, elle est libre comme toutes les femmes maintenant. Ou bien, si une esclave, on fait avec un acte qui ressemble à l'acte de mariage et ça s'appelle mulkul yamin. Ça s'appelle mulkul yamin. Et on ne fait pas avec un acte de mariage. Parce que si on fait avec un acte de mariage, je dis premièrement, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un qui est libre, comme par exemple nous, et je vais me faire un acte de mariage avec une esclave. Vous savez, mon fils, qu'est-ce qu'il va être? Il va être un esclave. Il va être un esclave. Mais si je fais avec elle, sans acte de mariage, mais avec mulkul yamin, avec l'autre mulk, l'enfant suivra le père, alhamdoulilah. Donc c'est pourquoi c'est interdit de... Pardon, il suivra pas le père, pardon. Dans le deuxième cas aussi, elle ne sera pas ma femme, elle sera ummu walad. Elle s'appellera pas mon épouse, elle s'appellera la femme ummu walad, la mère de mon enfant. Donc c'est interdit à un musulman, sauf dans deux conditions, de se marier avec une esclave. Car s'il se marie avec une esclave, son fils va être un esclave, car le fils suit la mère. Mais il peut faire des rapports avec elle avec un autre acte qui s'appelle l'acte de mulkul yamin. Je ne sais pas comment on dit ça en français, acte de mulkul yamin. Et comme ça, quand il a un enfant avec elle, son enfant, il est quoi? Il s'appelle, elle, par rapport à elle, ne s'appelle pas sa mère. Elle s'appelle ummu waladihi, la mère de son enfant, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez avec qui? Il a fait avec... radiyallahu ta'ala, comment qu'elle s'appelle, avec Maria. Il avait Maria, non, beaucoup croient que c'était son épouse. Ce n'est pas son épouse. Pourquoi? Il a fait l'acte avec elle, avec le deuxième acte, mulkul yamin. Ça veut dire que Ibrahim, c'est quoi? Elle n'est pas, elle est la mère de son enfant. Quand on parle de Maria, on ne dit pas c'est son épouse. On dit c'est la mère de son enfant, car il a fait avec elle, avec mulkul yamin. والله تعالى أعلم. فلسطينية تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. Le fait de laisser l'objet, le butin par terre et de ne pas le prendre, c'est permis ou pas? Deuxième question. Pour le Hajj, le faire dès le plus jeune âge. Vous avez dit que c'est le meilleur moment. Même pour celui qui a peu de connaissances en islam, barakallahu fikum jazam. Naam, en ce qui concerne le butin, quand il n'a pas beaucoup de valeur, tu le prends, et soit tu le donnes au fuqara, à quelqu'un qui est pauvre, ou qui est nécessité, ou là tu le prends pour toi. Ali, radiallahu ta'ala, a trouvé un dinar. Un dinar, c'est 5 grammes d'or. Il les a pris pour lui, il a acheté de la viande, il a acheté, c'est comme ça dans le hadith sahih, il a acheté shkara ta smid, il a acheté la chimour, il a acheté ça. Ensuite la femme est venue frapper à la porte, on lui a donné le dinar, le prophète islam a emprunté le dinar pour le lui rendre. Donc quand tu trouves quelque chose, si c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, tu dois la laisser, comme j'ai dit, une année, ou là tu la donnes par exemple aux autorités. Maintenant si c'est quelque chose, on n'appelle pas ça le butin. Non, mais je crois que lui il parle de cela. Non, ça ce n'est pas le butin, ça s'appelle dalla, ça s'appelle la chose perdue. Hein? J'espère que tu parles de cela. Mais on parle de la chose perdue. Il a dit le fait de laisser l'objet. Non, si tu trouves cette chose, non, le fait de ne pas le prendre, hein? de le laisser par terre. Non, c'est permis. Osmak, tu n'es pas obligé de le prendre. Si tu as peur de la responsabilité, ou là tu te dis peut-être que son propriétaire va passer par là ou là, aucun des ulama n'a dit c'est obligé de le prendre. Aucun des ulama n'a dit tu es obligé de le prendre. Des fois on trouve quelque chose, par exemple, c'est pas seulement de l'argent, tu trouves des clés d'une voiture ou là, tu lèves les yeux, il y a par exemple un épicier en face de toi. Tu les laisses chez l'épicier, peut-être Yanni, celui qui va les chercher, va aller chez l'épicier, parce qu'il va aller au même endroit où il les a perdus. Wallahu ta'ala a'lam. Abdul Ghani, tafaddal. Que veut dire le verset 152 de la sourate 4 An-Nisa? Et ceux qui croient en Allah, je m'en dis qu'il ne faut pas différencier les derniers, etc. Naam. Naam. Ce verset a été descendu pour dire que, Naam, on ne doit pas de faire la différence entre certains et d'autres. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, certains disent, moi je crois en tous les prophètes, par exemple, sauf en celui-là. Si vraiment tu es un croyant, tu crois en tous les prophètes. Quiconque, ni un seul prophète, il a nié tous les prophètes. Quiconque nie un seul prophète, il a nié un seul prophète. C'est pour ça que dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a dit, à la fin du verset, si je me rappelle bien, il a dit, « Ulaika humul mu'minuna haqqa. » Ceux-là, ce sont les vrais croyants et les vrais. Ça veut dire ceux qui, quoi? Ceux qui croient en tous les prophètes. Sinon, croire en quelqu'un, en des uns, et ne pas croire en les autres. Il y en a qui sont meilleurs, on ne doit pas faire la... Naam. On ne doit pas faire la différence, sauf la différence qui a été faite par la religion. Si le prophète alayhi sallam a dit par exemple je suis le meilleur, il est le meilleur. Mais on ne doit pas faire la différence de façon de dire par exemple que celui-là il va aller dans cet endroit, celui-là il va aller dans l'autre, comme a dit le prophète alayhi sallam, la tufadhiluni ala Matta, la tufadhiluni ala Musa ibn Matta, la tufadhiluni alayhi. Naam, on ne dit pas yani celui-là est mieux que celui-là, etc. Mais s'il y a des hadiths qui disent que ce prophète, par exemple, est mieux que celui-là, tu dois dire d'après les hadiths. Mais c'est pas, on fait la différence comme ça de nos têtes. Naam, palestinien, la deuxième question. Naam, quelqu'un va au Hajj, même s'il a peu de connaissances. Pourquoi? Parce qu'avant de partir, il doit apprendre le Hajj, c'est tout. Avant de partir, il s'assoit avec des gens qui ont fait le Hajj, des gens qui connaissent la Sunna, et il lui explique comment qu'on fait. Ou bien il parle avec l'imam, ou n'importe qui, quelqu'un qui a de la Sunna connaît bien, il lui dit, tu me donnes deux ou trois fois par semaine un petit cours comme ça, juste avant de partir, un mois avant de partir, il t'explique. C'est pas très difficile, là, c'est pas très difficile. Il t'explique. Il te donne un petit livre, tu achètes un petit livre de Sheikh Ibn Uthaymeen ou la Ibn Baz ou la Ali Rahmatullah qui parle de comment faire le Hajj. Maintenant, c'est très. C'est même résumé. Enfin, il y a des résumés comme ça. Quand tu arrives ceci, tu fais cela. Quand tu arrives à Arafat, tu fais cela. Et tu le prends avec toi. À chaque fois, avant de commencer une nouvelle étape, tu lis. À chaque fois, avant de commencer demain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu lis la nuit. Demain, je dois faire ceci, cela. C'est très facile. Et il faut le faire, Inch'Allah Ta'ala, quand on est jeune. Et quand c'est très difficile, quand on dépasse la cinquantaine, la soixantaine, c'est très difficile. Et on ne sait pas si on va vivre jusqu'à ce jour-là. Wallahu ta'ala alam. Tfadal manwa. On était où, je ne sais pas. Maintenant, je demande à mes frères, Jazakallah khair, Akh Palestinien, je demande à mes frères qui, lorsque ils posent la question, de baisser leur bras, afin que je sache où on s'est arrêté. Naam. Afin que je sache où on s'est arrêté, Inch'Allah Ta'ala. Aliya, tafaddali. Aliya, tafaddali. Salam alaikum wa salam. Si l'on doit de l'argent à une personne et qu'on a plus de contacts, on ignore si cette personne est toujours en vie, peut-on offrir cette somme d'argent au monde? Que peut-on faire? Barakallahu fik. Naam, Om Aliya, tu prends cet argent et tu mets dans ton cœur l'intention que tu vas faire le monde au nom de cette personne. Dans ton cœur, tu dis, cet argent, je vais le donner au nom de la personne qui l'a perdu, par exemple, ou de la personne qui me l'a prêté ou là. Voilà, de la personne qui est absente, afin que quoi? Afin que les hasanats partent directement vers cette personne, et c'est elle qui va profiter de cet argent quand elle va rencontrer Allah Azza wa Jal. Mais n'oublie pas une chose, que quand tu fais cela, tu fais sortir cet argent au nom de cette disparue, même si cette disparue revient après des années, tu es toujours endetté. Tu dois lui rendre la dette. Sauf si, après lui avoir raconté ce qui s'est passé, elle te dit, moi je, alhamdoulilah, je n'en ai plus besoin. Barakallahu fik. Voilà, si c'est dans ce cas, ma'alish, inshallah ta'ala. Frère S, à ta favelle. Wa alaykoum salam, wa barakatuh. حياكم الله أخي بتيمي الله يحييك بارك الله فيك tout de suite m'éclairer dans ma recherche inshallah ta'ala. Une personne travaille dans un restaurant où toute la nourriture est halal sauf une chose, c'est qu'ils vendent de la bière. Alhamdoulilah, le frère ne touche pas l'accord ni encaisse l'argent de la bière. Quel conseil lui donnes-tu? Ça, je lui donne le conseil hein, car certains savants disent qu'il peut travailler en cas de nécessité. Akhi, si tu as des délits pour m'éclairer, bark Allah fik. Wallahu alam. Naam, je conseille à ce frère. Non, je lui dis pas, yani, lâche ce travail et va de faire l'aumône jusqu'à ce que tu trouves un autre travail. Je lui dis, reste dans ce travail, mais à partir de maintenant, commence à chercher un travail où il n'y a ni bière ni rien. Car on doit être loin de la bière et loin de l'alcool et loin surtout de Umm al-Khaba'ith, la mère des vices. La mère des vices, tu dois être très très loin d'elle au maximum. Comme a dit l'Azul Fashtanibou. Donc qu'est-ce qu'il fait Inch'Allah? Il est au travail et à partir de maintenant, il essaye. Hein, il envoie des lettres, il fait l'annonce, etc. Dès que l'Azad lui ouvre une porte, il ne va pas dire ici, on me donne mieux. L'Azad lui a ouvert une porte à 100% de halal, il va à l'autre porte Inch'Allah Ta'ala. Et l'Azad l'enrichira avec quoi? Avec la baraka Inch'Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala A'lam. Ilyas Abu Anas, tafaddal, barakallahu fik. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Akhi Abu Anas, tu as dit j'ai un problème, j'entends plus rien. Je ne sais pas si tu n'entends pas ce qu'on est en train de dire, ou bien tu n'entends plus rien, tu es devenu sourd. Je ne sais pas. Inch'Allah, tu es devenu sourd seulement, yani, tu m'entends pas moi. Tu entends autre chose, Inch'Allah. Je vais sortir, rentrer pour que je puisse donner ma question. Tafadhal, Saadi 91, tafadhal, barakallahu fik. Saadi 91. Salam alaykoum, alaykoum salam wa rahmatoullah. Un frère a un problème avec sa femme. Elle lui manque de respect, elle l'insulte, car il suit le minhaj salafi. Elle veut qu'il arrête de faire la sunna, qu'il enlève la barbe ramis. Elle, par contre, écoute la musique, elle veut qu'il fasse comme elle. Il fait da'wah avec elle, mais elle refuse. Que dois-je faire si ça continue? Réponse en arabe. Naam, que dois-je faire si ça continue? أخونا هذا ما شاء الله تعالى عليه وبارك الله فيه جزا الله خيرا. هذا يحاول إن شاء الله تعالى أن يقنع زوجته وإلا فإنه إن شاء الله تعالى يجوز له أن يعني أن يفارقها يجوز له أن يفارقها لتذهب تتزوج هي مع إنسان يحب هذا النوع يحب هذا النوع من الحياة يحب يعني الموسيقى ويحب كذا وكذا لأن المفروض أن الواحد يتزوج مع من تعينه على دينه ليس مع من تعرقله على دينه فهذا إن شاء الله تعالى يحاول أن يقنعها وإلا يتخلص منها يتخلص منها وإما أنه يفارقها يعني باتفاق باتفاق بينه وبينها وأما أنه بالطلاق نعم وأما أنه بالطلاق لماذا لأن الحياة مع مثل هذه الزوجة صعبة جدا جدا حياة صعبة جدا جدا والإنسان يعني مطالب بأن يبحث عن التي هي نصف دينه وليست التي ضد دينه الحديث يقول ماذا يعني استغفر الله واتوب اليه يقول الزواج هذا هو شطر يعني الدين يتزوج الإنسان يبحث عن ماذا عن نصف دينه هي الزوجة الصالحة ومن سعادة المرء قال النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة الرجل ذكر أربعة أشياء قال والزوجة الصالحة هذه الزوجة ليست بصالحة هذه الزوجة ليست بصالحة إن لم يستطع إقناعها الله عز وجل لم يفرض عليه أن يعيش معها والناس افترقوا لأقل من هذا لأقل من هذا افترقوا فيحاول إن شاء الله تعالى يبدأ بالنصيحة ثم إذا لم يستطع فالله عز وجل كما قال في القرآن وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم أبو عبد الرحمن تفضل والله تعالى أعلم Deuxième question, ma famille fait de la bida. Ma famille, où est la deuxième question? Ma famille fait de la bida. Suis-je responsable en français? Non. Tu es responsable si tu ne parles pas, c'est tout, tu n'as pas parlé. Si tu as parlé au moins une fois, tu as dit ça, c'est haram. Ça, c'est bida. Là, je n'aime pas, le prophète Hassan n'aime pas cette chose. Cette chose est détestée, celui qui fait cette chose, c'est haram, etc. Ensuite, s'ils font, tu n'es plus responsable. Ça, je parle de ta famille, je ne parle pas de ta femme et de tes enfants. Je parle, par exemple, du père, de la mère, tes oncles. Hadou, tu n'as pas le droit sur eux. Hadou, tu parles seulement. Mais ta femme et tes enfants, tu as le droit de faire autre chose, non seulement parler, mais il y en a des menaces, etc., etc. Mais si ta famille, si c'est ton père, c'est tes oncles, alors tu parles seulement. Tu changes le munkar en parlant et en montrant aux gens qu'ils sont en faute et qu'ils doivent s'en éloigner. C'est tout ce que Allah Azza wa Jal t'a demandé de faire. Wallahu ta'ala alam. Abu Abdurrahman, parce qu'il reste 10 minutes seulement. 10 minutes, je vais m'arrêter, inshallah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah. Je voudrais savoir, j'ai entendu dire que le prophète alayhi salam avait oublié de faire le rousse et l'a fait le rousse tandis qu'il guidait la prière. Wallahu alam. On ne m'avait pas donné le délit et je voulais savoir aussi que dit l'islam sur les dinosaures ont-ils vraiment existé? Naam. Fika barakallah Saïd. En ce qui concerne la première question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith sahih rapporté par Abu Daoud a dit Allahu Akbar dans la salat. Il a dit Allahu Akbar. Tous les compagnons derrière lui ont dit Allahu Akbar pour entrer dans la salat. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rappelé qu'il était en janaba, qu'il n'avait pas fait de rousse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a oublié ça en plein salat. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont restés. Je crois qu'il a fait comme ça avec sa main, ça veut dire rester à vos places. Il est allé, il a fait le rousse et il est revenu. Il a continué sa prière avec eux. Donc ça, c'est un hadith sahih apporté par Abu Daoud et les autres, authentifié par Sheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. En ce qui concerne la deuxième question, les dinosaures, je ne connais aucun hadith qui a cité Agda les noms, mais il est possible, yani, d'après, quand il y a quelque chose qu'on ne peut pas yani, contredire, on voit comme ça des choses, yani, des photos, là, de, yani, il désenterre hein, la terre, il cherche dans la terre, les ulama, il cherche dans la terre, ensuite il te fait sortir des os comme ça géants, d'animaux géants, qu'on appelle les dinosaures là, ça Allah Ta'ala alam, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes aussi, en époque des dinosaures, étaient aussi très grands. C'est pas comme on imagine maintenant, avec notre taille, il y a des dinosaures. Si c'était comme ça, un seul dinosaure là, il va enlever tout le couït. Là, le couït, c'est comme une lentille. C'est comme une petite lentille. Et il va mettre un pas à droite, un pas à gauche, il n'y a plus le couït. Mais je crois que les hommes étaient assez grands pour y aller, pouvoir les combattre, etc. Wallahu ta'ala alam. Et je crois que dans le hadith du jeune sorcier, proportionnel, naam, c'était proportionnel, jazakallahu khair. Maintenant, c'est peut-être le dinosaure par rapport à l'homme, c'est peut-être par exemple, disons comme un lion ou là, c'est de cette taille à peu près. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé d'un hadith, très beau, qu'inshallah ta'ala on expliquera un jour, le hadith du sorcier, le jeune qui était allé apprendre la sorcellerie. Ensuite, une fois, il a dit, je voudrais savoir si le sorcier qui m'apprend la sorcellerie est plus juste, ou bien le alim qui m'apprend le ilm. Il a pris un caillou, qu'est-ce qu'il a dit? Il a marché dans la rue, il a dit, ils ont trouvé un grand animal qui yani, bouchait la route, on ne pouvait plus passer. Ensuite, il a frappé avec un caillou, il est mort, bien sûr. Voilà, le prophète, alayhi sallam, bismillah al-ghulam, jazakallahu khair, naam. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y avait une grande dabba, il y avait un hayawan immense qui barrait la route. C'est peut-être cet animal. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Maintenant, Abu Abdurrahman, tafaddal. Je ne sais pas si tu as une question ou là je passe à Idyes. Abu Muawiya. Abu Muawiya, tafaddal. Naam, tafaddal باللغة العربية إن شاء الله. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أبو معاوية، اطرح باللغة العربية إن شاء الله تعالى. Je demande à mes frères, بارك الله فيكم، et mes sœurs, إن شاء الله تعالى، de ne plus lever le bras. Pour qu'on puisse s'arrêter, inshallah ta'ala. Je vois quelqu'un lever le bras. J'ai honte de ne pas lui répondre. Barakallahu fikum. Inshallah, demain, inshallah ta'ala, on va continuer. Comme ça, quand quelqu'un termine à 1h du matin, il est 1h chez moi. Au moins, si je dors à 2h, yani, alhamdoulilah, je dors 1h ou 1h30. Inshallah ta'ala, demain, on a le temps. Jusqu'à ce qu'on fasse le programme, yani, officiel, inshallah ta'ala. Tfaddal, akhi Abu Muawiya. Jazakallahu khayran. جزاكم الله خيرا ووفقكم الله. هناك إخوة ذهبوا في ليلة الجمعة إلى البحر ولم يقوموا صلاة الجمعة استدلالا بأنه يدخل في حكم السفر فتسقط الجمعة. نعم تفضل. أتمم فما حكم هذا؟ بارك الله فيك. نعم هذا السؤال الأول. أتفضل اكتب سؤال ثاني. بارك الله فيك. لماذا طلبت منك تكتب السؤال الثاني يعني حتى يعني تسمع الإجابة لأنه ممكن أنا أجيبك عن السؤال الأول وأنت تكتب في الثاني اكتب الثاني بارك الله فيك وأنا أنتظرك أبو معاوية أخونا هل أنت معنا بارك الله فيك سؤال ثاني بارك الله فيك ما هي منهجية التي تنصحون باتخاذها إن شاء الله تعالى وما من كتب التي تنصحنا بالابتداء بها علما أخي كريم أننا في بلدنا في بلادنا والله المستعان كثر أهل البدع شن الحرب عليه الدعوة السلفية المباركة أرجو منكم نصيحة جزاك أبو معاوية بارك الله فيك تكتب من أي بلد تكتب من أي بلد بارك الله فيك الجزائر من أي منطقة في الجزائر أبو معاوية بارك الله فيك شكرا شوف اخي الكريم اخي الكريم ما ادري هل اجيبك بالعربية ام بالفرنسية اكتب لي بارك الله فيك اجيبك بالعربية ام بالفرنسية بتفضل أخي الفاضل بالعربية وجزاكم الله خيرا نعم فيما يخص السؤال الثاني فيما يخص السؤال الثاني هذا إن شاء الله تعالى يحتاج إلى يعني وقت نوعا ما طويل لماذا لذكر يعني الكتب بأسمائها وبكذا إن شاء الله رح نجعلها أنا في برنامج خاص وإن شاء الله رح ندير فيه يعني كل كتب التي تقرأ في المرحلة الأولى والثانية والثالثة يعني بأسمائها إن شاء الله تعالى أو نحصلها لك فيه يعني علماء حضروا مثل هذه البرامج إن شاء الله تعالى فأنت في العقيدة إن شاء الله تبدأ مثلا بالأصول الثلاثة في العقيدة تبدأ بالأصول الثلاثة في الفقه مثلا تبدأ بالوجيز في الفقه الوجيز في الفقه أو الموسوعة الفقهية تاع عوائشة إذا عندك شوية مستوى وهكذا يعني الإنسان يبدأ بالكتب البسيطة إن شاء الله تعالى ثم يتدرج كتاب بعد كتاب بعد الوصول الثلاثة بعد أن يقرأ مثلا الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا الشرح ابن عثيمين أو الشرح صالح الشيخ أو لكن إن شاء الله تعالى خلينا نجيب لك في برنامج بإذن الله عز وجل فيما يخص السؤال الأول صعب جدا لماذا أنا شخصيا إن شاء الله تعالى لما درست أنا واسمه ناقشت الماجستير كانت في رسالة كانت رسالتي خاصة في الجمعة اسمها أحكام الجمعة لما وصلت لهذه تاع السفر وجدت أن الأمر نوعا ما مشكل وصعب أولا يعني هل هذا سفر ولا ما هو بسفر يعني هل سفر الإنسان يروح للنزهة ويقول أنا في سفر لأن الشيخ بن باز عليه رحمة الله لو في كتب يذكر كثيرا يقول الذين يذهبون إلى النزهة ويتركون الجمعة تكون جمعة على أساس أنه ماذا أنه مسافر نعم الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله يقول والجمعة لا تسقط على المسافر إذا سمع النداء يقول نعم يقول الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها قط في سفره ولكن إذا سمع النداء يقول ما فيه دليل يخرجه من عموم قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا عذر له أو فلا صلاة له إلا من عذر أبو داود وسنده صحيح ويقول هنا ما هي القاعدة يصح تبعا ما لا يصح ابتداء هم المسافرون هذو جمعة لا تصح يعني عفوا لا تلزمهم صح المسافر لكن لما وجد الآخرون وسمع الآذان وكان قريب من المسجد أصبحت واجبة عليه تبعا وليس ابتداء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح يقول صح الشيخ الألباني على رحمة الله يقول هلاك أمتي الكتاب واللبن، هلاك أمتي بالكتاب واللبن، يعني الشيء الذي سيهلك أمتي الكتاب واللبن. ما هو الكتاب ما هو اللبن؟ قال الكتاب القرآن، يؤولونه أو يتأولونه على غير يعني تأويله، يعني الإنسان يبدأ يفتح قرآن مثلا ويفسر مراسه وكذا ويحرف الصفات وينفي أمورا وكذا، إذن هذا هلاك الأمة. والثاني اللبن، ما دخل اللبن؟ سبحان الله، كلنا نحب اللبن ونحب الرايب أيضا، نحب الرايب، ما دخل اللبن؟ قال يذهبون، يعني ما معنى اللبن في شرحه؟ أي يذهبون إلى القرى من أجل ماذا؟ من أجل البحث عن اللبن والبن تاع الزبدة وما شاء الله، ويفوتون الجمعة والجمعات أو الشاهد، يفوت الجمعة، يترك الجمعة موجودة في القرية موجود المسجد ويروح للقرى يتنزه ويبحث عن اللبن، أعطوني لبن وهذا البن ما شاء الله، بعدين راحت له الجمعة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال هلاك أمتي بماذا؟ باللبن والكتاب. فالإنسان أنا أقول إذا كان في البحر يعني هكذا، فيوم الجمعة إن شاء الله تعالى في الصباح إن شاء الله تعالى لما يستيقظ حدود 9 أو 10 يذهب إن شاء الله تعالى إلى أقرب مسجد يصلي فيه الجمعة ويرجع إن شاء الله تعالى مرتاحا، مرتاحا يعني مرتاح الضمير، والله تعالى أعلم، حتى يخرج من الخلاف إن شاء الله تعالى. حين بقي لبيد لافي ما زال ما تكلمش، تفضل والله تعالى أعلم أخي أبو معاوية. أخي لبيد لافي تفضل، بارك الله فيك. السلام عليكم. J'ai deux questions, Inch'Allah Ta'ala. La première, est-ce que la barbe est obligatoire et quelle doit être sa taille? Deuxième, quelqu'un qui a arrêté de prier pendant plusieurs années doit-il y rattraper? Si oui, comment? Non. Concernant la première question, Inch'Allah Ta'ala, la barbe est obligatoire. La barbe est obligatoire pour l'homme. Pour l'homme, elle est obligatoire. Il y a beaucoup de dadid, Inch'Allah Ta'ala, au moment opportun, je les dirai. Quelle doit être sa taille? D'après Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Il dit qu'elle ne doit pas, par exemple, descendre jusqu'au nombril. Il dit, par exemple, quand elle dépasse la main, quand elle dépasse la main, si on peut la couper, il dit il est permis. Il a donné des hadiths de Ibn Omar et Abu Huraira, même lorsqu'il n'était pas en voyage. Donc celui qui laisse la barbe, au moins qu'il la laisse, yani elle dépasse, comme ça quand il prend avec sa main, au moins yani il peut la prendre avec sa main. Yani, il ne coupe pas moins que cela. Ensuite, plus de la main, plus de la poignée de la main, il y a une différence entre les ulama. Beaucoup disent il ne la touche pas. Et Cheikh Al-Albani a dit il peut la toucher quand elle dépasse la poignée de la main. En ce qui concerne la deuxième, quelqu'un qui s'est arrêté, il ne fait plus les prières pendant longtemps, Inch'Allah Ta'ala Hada, c'est pas la peine qu'il refasse les autres prières. La yaqdi. لا يقضي الصلوات التي تركها من غير عذر إنما يتوب إلى الله il fait le repentir ويتوب إلى الله عز وجل. حتى الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله الشيخ ابن حزم الإمام ابن حزم عليه رحمة الله tous les deux disent que si tu fais passer une prière tu la laisses comme ça et tu veux pas la faire jusqu'à ce que son heure sorte, c'est pas la peine de la refaire. Tu fais seulement quoi? Tu fais seulement le repentir. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal ne t'a pas dit de faire la prière. Il t'a dit de faire la prière en l'heure. Et maintenant, toi, tu vas la faire hors de l'heure. Maintenant, quand tu as rendez-vous à l'aéroport, tu as rendez-vous à 8h, car l'avion va décoller à 8h30. À quoi ça sert que tu ailles toi à 10h? Hein, ou là tu vas l'après-midi à l'aéroport, ils vont rire de toi, ils vont croire que tu es un fou. Pourquoi? ils sont dit de venir à 8h pour monter à 8h30. L'avion décolle à 8h30. Toi, la même chose, Allah Azza wa Jalla t'a dit, fais la prière et fais-la en l'heure. Toi, tu as dit, non, ya Allah, non. Moi, je la fais, mais je la fais quand je veux. C'est pas en l'heure. Allah Azza wa Jalla te dit, donc je l'accepte pas. Moi, je t'ai dit, fais-la à l'heure. Si tu la fais à l'heure, elle est acceptée. Si tu la fais pas, elle n'est pas en son heure. Je l'accepte pas. Donc, Inch'Allah Ta'ala, il fait le repentir. يعني يندم على ما فات ويعزم على ترك ما هذه المعصية وعفوا ويعزم ينوي أن يعني أن لا يفرط فيها مرة أخرى أي دوم من الله عز وجل دليلي afin que il ne fasse plus ça il ne fasse plus يعني passer une salate إن شاء الله تعالى رياض تفضل بارك الله فيك رياض وابن الإسلام تفضل Salam wa rahmatullah. Quels sont les endroits qui sont interdits de faire la prière et qui permettent de prier sur les lieux de passage des gens? Quels sont les endroits qui sont interdits de faire la prière et qui permettent de prier sur les lieux de passage? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran illa al maqbara wal hammam. Illa al maqbara wal hammam. Le prophète alayhi wa sallam a dit: Je peux faire la prière partout sauf si je suis dans un cimetière ou je suis dans un bain mort. Ça s'appelle le hammam. Maintenant, je ne sais pas si ça existe, le hammam. Je suis dans un bain mort. Donc, on ne fait pas la prière quand on est dans un cimetière. On ne la fait pas quand on est dans un bain mort. On ne la fait pas quand il y a de la souillure devant nous. Par terre, il y a de la souillure, etc. On ne la fait pas quand on est dans un endroit où il y a les chameaux qui dorment. Il y a les chameaux. On ne la fait pas. Et est-ce qu'on peut faire les lieux passage des gens? On ne fait pas la prière où on doit, où on est l'enclos des chameaux. Non. On ne fait pas la prière dans un endroit où yani, on va pas laisser les gens passer, où là, eux, yani, ils vont, on ne peut pas faire la prière en même temps et les gens qui passent à droite, à gauche, ça, c'est pas une prière. Quand on fait une prière, on cherche un endroit un peu isolé. Un endroit, supposons maintenant que tu sois dans la rue. Sois dans la rue, c'est venu l'heure de la prière, n'est pas seulement venu, l'heure va sortir. Tu n'as plus yani, comment faire, il te reste seulement 5 minutes ou là, tu cherches un endroit isolé. Tu cherches un jardin, tu cherches un arbre comme ça isolé ou là, et tu fais Inch'Allah Ta'ala la prière. Wallahu Ta'ala A'lam. Je crois qu'on a terminé. Qui c'est? Ibn Islam. Ibn Islam Tafadlal. فيك بارك الله وعليكم السلام ورحمة الله ابن الإسلام c'est toi صح les endroits de la riba. Les ulama ont dit qu'ils sont à peu près 4 ou 5, si je ne les ai pas oubliés. Yani, entre autres, si je me rappelle, là, entre autres, par exemple, quand tu vas chez le juge, hein, tu vas chez le juge, tu lui dis, par exemple, celui-là a dit cela, hein, celui-là a fait cela. Dit, ça ne s'appelle pas une riba. Pourquoi? Parce que tu es obligé de dire cela. Quand des fois, on te demande la nasiha, te demande, yani, par exemple, X va se marier, la fille, ou là, la femme X va se marier, ensuite, il y a son père qui vient te dire, il va te dire, toi tu connais Y, qui va lui demander sa main, yani, qu'en penses-tu de lui? Si tu sais que Y, là, par exemple, c'est quelqu'un qui se drogue, ou là, c'est quelqu'un qui aime la zina, etc., tu dis à son père, tu lui dis, je te conseille pas, c'est pas quelqu'un yani, de pieux, il a des défauts, ceci et cela. Car une femme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khatabani Muawiya wa Abu Jahm. Qui vais-je choisir? Une femme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muawiya radiallahu ta'ala anhu et Abu Jahm radiallahu ta'ala anhu, deux hommes m'ont demandé la main. Qui vais-je choisir? En islam, bien sûr, il est interdit à deux hommes qu'ils demandent la main en même temps. Mais ici, ça veut dire que personne ne savait que l'autre avait demandé. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Amma Muawiyah face au Louvre. Quant à Muawiyah, c'est sur l'eau, il n'a pas d'argent. Actuellement, Ibn Islam, donc ici ce n'est pas la riba. Il lui a dit, Muawiyah, il n'a pas d'argent. Et il a dit au deuxième, quant au deuxième Abu Jahm, il a dit, la riba c'est la médisance. Quand on parle de quelqu'un qui n'est pas présent, on parle de quelqu'un qui est absent. On dit cette personne fait ceci, fait cela. Naam. La deuxième personne, Abu Jahm, le prophète alayhi sallam a dit quoi? A dit, quant au deuxième Allah, c'est un frappeur de femmes. Et dans un autre hadith, il a dit, il n'enlève pas la canne de son cou. Hein, il a toujours la canne sur son cou. Dès que la femme fait une petite faute, hein, il la frappe. C'est un frappeur de femmes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ceci, et ce n'est pas une médisance. Pourtant, il a parlé de quelqu'un, quelque chose de pas bien. Il a dit, fait. Mais est-ce qu'il a menti? Non. Il a dit vraiment ce qui était. Ensuite, les ulama ont dit, par exemple, pour le din, par exemple, le din, quand il parle des hadiths, etc., il cherche le sanad x, x, x, x dans le hadith, x a déjà entendu de x, qui c'est ce x, par exemple, s'il a quelque chose de pas bien, il dit celui-là c'est un menteur, kaddab, dajjal, mutahim, zindir, il dit cela, il dit c'est pas, pourquoi? Parce que ce n'est pas interdit. Et il reste une ou deux choses que j'ai oubliées, mais en général, on dit, on fait ce que tu as dit toi, ça s'appelle la riba, dans ce cas ça ne s'appelle plus la riba, on dit dans les endroits où ça rapporte un intérêt à l'islam, ou bien c'est pour éloigner char, pour éloigner le mal, ou bien ça rapporte un grand intérêt en lui. C'est quoi la riba, la haram? C'est que tu parles de quelqu'un comme ça, sans aucun but, sauf pour le brûler. Tu dis celui-là, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Pourquoi? Parce que tu le détestes et tu dis ça en lui pour que les gens aussi le détestent, etc. Et quand tu dis quelque chose qui a un intérêt pour les gens ou là, pour les musulmans ou là, cela, inshallah ta'ala, n'est pas interdit. Wallahu ta'ala alam, et je te ramènerai, inshallah, les deux autres, inshallah, que j'ai oubliés. Comment doit-on répondre à quelqu'un pour prévenir d'un égaré? Est-ce qu'on a le droit de parler du son d'Alal? C'est normal, l'égaré, on lui fait d'abord la nasiha si on peut. On lui dit taqillaha. S'il s'arrête, alhamdulillah, s'il s'arrête pas, il continue son égarement et il le fait, surtout si c'est un da'i. Ça veut dire qu'il parle son égarement aux gens et il leur dit, moi je suis allé dans le vrai chemin, etc. Il fait ce qu'on appelle la da'wa à son égarement. Celui-là, tu es obligé de parler aux gens et de mettre en garde contre lui. Tu es obligé. Si tu ne le fais pas, tu rentres dans le ism. Pourquoi? Parce que tu vas laisser les autres s'égarer. Donc tu dois dire attention, ce quelqu'un, c'est un égaré, etc. Mais quand est-ce que tu commences à dire cela? Quand tu sais vraiment que c'est un égaré. Des fois, si on n'a pas d'ilm, on voit quelqu'un ne pas faire une chose ou là, dans le din, on va dire celui-là c'est un égaré. Non. Il faut que ceux qui ont dit c'est un égaré, par exemple, voilà, il faut des preuves, il faut c'est un alam qui a dit celui-là c'est un égaré. Ou bien un vrai talbain, il a dit attention, celui-là c'est un égaré. Naam, c'est pas n'importe qui va dire de chaque personne c'est un égaré. Sinon, yani, ça n'en finit pas. Wallahu ta'ala alam. Souleyman, t'as fait les baraklof, on a déjà dépassé 1h20. Fadli Souleyman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais vous poser deux questions. Jazakallahu khairan ibn Islam. Maintenant, je remarque, masha'Allah, que quiconque je lui enlève le point rouge, il pose deux questions. Masha'Allah, il n'y a plus celui qui pose une question. Maintenant, quiconque je lui enlève, il va profiter, inshallah ta'ala, il pose deux questions. Ma'alish. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais vous poser deux questions. Pour faire le mess avant de dormir, on crache dans les mains, puis on lit le Coran, ou le contraire. Aussi pour la salat, naam, on commence d'abord par cracher, naam, on commence, bien sûr, tu as compris ce que je veux dire cracher, hein. Seulement on fait sortir yani, de l'air comme ça, un peu humide, hein. C'est ça on fait, ce que ça veut dire cracher, puis on commence à lire le Coran, naam, aussi pour la salat, istikhara, on fait le salam, après les deux rakats, et après on fait le doigt, n'est-ce pas, naam, Ibn Taymiyyah a dit, tu fais la salat istikhara à l'intérieur. Avant de dire salam alaykoum, tu fais la salat istikhara. Mais moi, je préfère prendre avec ce qu'on dit la plupart des ulama. Ils ont dit, tu dis salam alaykoum, salam rahmatullah, ensuite tu commences le dua. اللهم إني استخيرك بعلمك استقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم jusqu'à le terminer إن شاء الله تعالى. أم سليمان, je voulais te poser une question seulement. Est-ce que toi, je ne sais pas s'il y a Um Suleiman ou il y a Um Suleiman du 13, je crois qu'il y a une autre qui s'appelle Um Suleiman du 13, je ne sais pas. Est-ce que toi tu as participé avec nous يعني, au contrôle? Est-ce que tu as fait avec le contrôle que j'avais fait aux élèves? Est-ce que tu l'as fait? Ah, alors, Barakallahu fik, donc je parle d'une autre, hein. Je parle d'une autre Um Suleiman. Jazakillahu khairan. Fil daw, tafadhal. Alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, c'est le dernier. Barakallahu fikoum, ne levez pas la main. Barakallahu fikoum. J'aimerais savoir, peut-on écraser une araignée? Premièrement, tout animal, est-ce bien en écrasant un lézard? Bon, termine d'abord, ensuite je réponds, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, en ce qui concerne l'araignée, tout animal, ou là, tout reptile, ou là, nuisible, on peut le tuer. Ça, c'est une règle. Toute chose qui nous mord, ou là, qui nous fait quelque chose, un problème, celle-là, on peut la tuer. Et ceux qui croient que l'araignée, on ne la tue pas, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré dans la caverne, il y a eu une araignée qui a tissé sa toile, et il y a eu un pigeon qui a pond un nœud. Ceux qui croient cela se trompent, car ce hadith est daïf, ce hadith est faible, il n'est pas vrai. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré dans la caverne, il n'y avait ni pigeon ni araignée. Donc, c'est de là que les gens croient que l'araignée, ça ne se tue pas. Il dit, elle a aidé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que le hadith est très clair. Abu Bakr, radiallahu ta'ala, nous a dit, s'ils avaient levé le regard seulement vers le haut, vers le bas, ils nous auraient vu. Car ils ont commencé à voir comme ça vers le haut. Il a dit, wallah, s'ils avaient vu seulement sur leurs pieds, ou vers leurs pieds, ils nous auraient vu. Alors le prophète, alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Yani, qu'en penses-tu de deux? Allah Azza wa Jalla, c'est le troisième. Ah, et le prophète, alayhi wa sallam, ne lui a pas dit, n'aie pas peur, il y a l'araignée qui nous a caché, ou il y a le pigeon. Le pigeon et l'araignée, c'est faible. En ce qui concerne, quand on écrase un loisir, il n'y a pas un hadith qui dit on a un ruisseau au paradis. Il y a un hadith qui est vrai, qui est sahih. Il dit, si tu le tues à la première fois, tu as 100 hasanas. Si tu tues un lézard à la première fois, tu as 100 hasanas, tu as 100 bienfaits. Si tu le tues à la première fois. L'autre hadith, il a dit, si tu le tues comme ça, yani en deux ou trois fois là, dans un hadith, il a dit, chaque fois que tu frappes un coup, tu as 10. 10 hasanat, c'est tout. Mais si tu le tues d'un seul coup, tu as, Inch'Allah ta'ala, 100 hasanat. Contentez-vous par nuire. Nuire, yani tout animal ou tout reptile qui par exemple te pique, te fait des problèmes. La phobie, c'est quoi la phobie? Je connais pas la phobie. Est-ce que la phobie rentre dedans? C'est quoi la phobie? Allez, barakallahu fik. Je connais pas. La peur. Ah, la phobie, hagda, ça. Je n'ai pas bien compris la question. Yani, est-ce que si on a peur, par exemple, d'une araignée, l'essentiel, c'est pas d'écrire Yani sans faute. L'essentiel, c'est de que je comprenne, c'est tout. Est-ce que tu peux formuler ta question? Je l'ai pas comprise. Est-ce que si on a peur d'un animal ou là, est-ce que c'est haram? C'est ça ta question? Si on a peur d'une araignée, est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est ça ta question? Naam, c'est une excuse, ça. C'est une excuse, naam. Moi, je vais pas rester, je vais pas dormir dans une chambre. Je ne vais pas rester dans une chambre où il y a une grande araignée avec moi. Parce que je vais pas bien dormir et elle va me faire des problèmes la nuit. C'est pour ça que lorsque Zanjabil a dit, est-ce que la peur d'une raison tuer toutes les bêtes? C'est pas toutes les bêtes. Les bêtes qui veulent me faire des problèmes. Les bêtes qui peuvent me faire des problèmes. Quand il y a une bête qui passe devant moi, elle ne fait rien, elle va chez elle et moi je vais chez moi. Et quand il y a une bête qui veut me faire des problèmes, même si c'est un lapin, est-ce que quelqu'un tue un lapin ou on ne le tue pas? Ah, non, je sais qu'il l'aurait. Est-ce que quelqu'un tue un lapin ou on ne tue pas le lapin? Mais maintenant le lapin, il vient et il va commencer à me mordre. Ensuite il ne veut pas enlever, hein, il reste en train de me mordre jusqu'à ce qu'il veut quoi. Il veut m'enlever une partie de ma jambe. Celui-là, je le tue. Pourquoi? Parce que comme je viens de dire la règle, c'est que je tue tout ce qui me fait mal et qui est nuisible. C'est pour ça que, par exemple, la tortue, pourquoi vais-je la tuer? La tortue, hein, ne fait rien, pourquoi vais-je la tuer? Et pourtant, je ne sais pas dans quel pays, je crois que c'est en Algérie ou je ne sais pas où ils avaient une petite tortue, et cette tortue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue, elle a marché, et la femme a été en train de dormir, elle a allaité son petit, ensuite elle s'est endormie, ensuite elle a laissé sa poitrine découverte, ensuite la tortue est venue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le bout de sa poitrine, et elle n'a plus voulu enlever, ouvrir la bouche. Et une tortue, quand elle mord, c'est pas quelque chose de facile, et bien ils l'ont prise à l'hôpital. Et je ne sais pas comment ça s'est terminé, si c'est la tortue qui est morte ou c'est la femme. Donc une tortue qui me fait un coup pareil, je peux la tuer, Inch'Allah ta'ala. Je m'arrête là et on m'a dit que c'est haram, mais quand elle envahit sa maison, on fait quoi? Ce n'est pas haram de la tuer, ma soeur ou là, mon frère, Firdawala. C'est pas haram de tuer la fourmi, je parle de la fourmi, je croyais de l'Ukhra, la fourmi.